écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour, frère. Madame Achille, bonjour et bienvenue. Bonjour, shalom, shalom à tout le monde. La sœur Laetitia de Yehuda. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Tu sais que tu es dans la Terre Sainte, n'est-ce pas? Du côté de la Chine, le frère Saria, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour, tout le monde. Bien, mes frères et sœurs, je vous salue. L'enfant se porte bien. Le frère Joseph, bonjour. Bonjour, le frère Junior. Voilà. Bonjour, tout le monde. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Le couple Émeraude, Flora Landry. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Oui, mon frère. Oui, je voulais bien tout d'abord remercier le Seigneur pour le message que nous avons eu là concernant ta venue en Europe. C'est une joie pour nous, hein, mon frère, de pouvoir te palper, de te voir en vrai. Hein, mon frère. Tu nous as dit dans la première partie, c'est qu'on ne vient pas en Europe. Donc, là, y a-t-il des questions ce dimanche? On t'a invité personnellement. On ne vient plus. Mon frère, j'avais noté une question tout à l'heure. Oui, qui parle là? Je ne sais pas pourquoi le son n'est pas bon. À tout moment là, on risque d'être coupé. Donc, on ferait mieux de vite profiter là maintenant. Depuis hier, on a des coupures de lumière ici, depuis minuit, de l'autre jour jusqu'à hier, 22h. Donc, ce n'est pas évident. Alors, la question, je prends les questions rapidement. J'aurais écrit une question, mon frère. Où ça? Sur le forum. C'est pas évident qu'il contrôle le forum en même temps de parler, en même temps de contrôler les... Je vais lire, mon frère. Oui. Non, je disais que, frère, est-ce qu'il y a un lien entre l'Afrique et la descendance d'Abraham avec la troisième épouse? Avec sa troisième épouse. Avec Keturah. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? C'est la question du frère qui m'a ramené ça en tête. Parmi lesquels des descendants que... Bah, écoutez, je crois que c'est ici où nous avons vu l'apparition des races. C'est ça, c'était ici. Oui, frère. Nous avons vu que les races sont issues, lorsque, après le déluge, il y a eu ces trois, les trois descendants de Japheth, Sem et Cam, n'est-ce pas? Et la terre qui est appelée par l'Égypte aujourd'hui, l'Égypte connue telle qu'on a là, c'est Mishraïm. N'est-ce pas? Donc, en fin de compte, il y a eu un mélange sur la terre au point où personne ne peut plus dire que je suis issu d'une race pure, en réalité. Maintenant, si vous regardez l'Afrique, vous remarquez, si vous venez sur la terre du Cameroun, vous allez voir effectivement qu'il y a des immigrations au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, personne ne peut dire qu'il est autochtone même dans un pays. Même pas les Allemands ne peuvent dire que les Germanisants qui sont, les Germans qui sont là-bas ne peuvent pas dire qu'ils sont les autochtones. Les Flamands encore moins. Les Français qui sont là-bas ne peuvent pas dire. Personne n'est autochtone sur sa terre. Parce qu'il y a eu des migrations et des émigrations sur la terre constamment. Ne voyez pas comment les Africains veulent venir en Europe, on refuse là. Personne n'a la terre authentique. En tout cas, la seule personne qui a la terre authentique, c'est le Seigneur. Donc, il est dit dans le psaume chapitre 24, à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. D'accord, ma soeur? Mais pour ce qui est de cette descendant là, il y a eu des mixissus sur la terre. Mais ce n'est pas des cultures. D'accord, ma chère soeur? Mon frère, c'était dans un autre sens. Oui. Je sais pourquoi, quelle est leur implication, parce qu'on voit bien la descendance d'Israël, ce qu'ils sont devenus. Oui. Dans la parole. Et on voit bien Isaac. Enfin, mais on ne voit, enfin, moi, je n'arrive pas à percevoir dans la parole leur rôle et leur implication dans la parole. En fait, c'est un peu ça que je voulais savoir. Et t'inquiète pas, nous sommes en plein dans le rôle africain maintenant, puisque nous avons vu dans la partie sur le réveil, la première partie là-bas sur le réveil de l'Afrique, nous avons vu clairement comment Dieu va venir en Égypte. Et puis, et quoi que dans la lecture, nous n'avons même pas fini dans cette partie-là. Nous avons vu que ça nous a conduit au seul enseignant là, n'est-ce pas? C'est ça qui nous a amené là-bas. De toute façon, ce qui est bon, c'est qu'on attend le réveil en Afrique. Le plus bon, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vit, le Saint-Esprit n'a pas de couleur, lui. Il n'a pas de couleur. Quand il est en toi, que tu sois noir, c'est le même Saint-Esprit. Quand tu es blanc, c'est le même Saint-Esprit qui entre là-dedans. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. L'Afrique sera le porte-flambeau du réveil final pour la gloire et la manifestation des fils de Dieu. Oui, Junior. Oui. Oui, j'ai une question. Oui. Oui, ma question est, en fait, dans Genèse 2, verset 7, on dit l'homme a été formé de la poussière. Donc, l'homme a été formé par Dieu de la poussière de la terre. Oui. Et puis, Genèse 3, verset 19, dit l'homme doit retourner à la poussière. Donc, ma question est de savoir si, est-ce que l'homme retourne à la poussière parce qu'il a péché ou c'est parce qu'il a été formé de la poussière à la base? Quel type de corps avait l'homme avant le péché, avant la chute, en fait? Voilà, bonne question. Le frère Oswald, tu as la question entre tes mains. Allô? Oui, frère Oswald, on t'écoute. Ah, c'est moi qui dois répondre, bien aimé. Oui, je vais lui poser une question. Ok. Bah, c'est comment je sais, si j'ai bien compris la question du frère. Quel corps avait reçu Adam avant le péché. Bon, c'est comme je sais, la Bible nous dit, si on peut dire, Dieu forma. Avant la formation d'Adam, il n'y avait pas encore le péché. Si la Bible nous dit bien, au moment de former l'homme, il prit la poussière de la terre et il forma l'homme. La question c'est avant la chute de l'homme, quel style de corps avait l'homme? C'est la question qu'il a posée. Question directe. Mais quand il faut pousser le bien-aimé. Le style. L'homme avait un corps. Oui. Le frère Achille dit que c'était l'homme, c'était formé de la poussée. Que tu veux savoir encore quoi là-dessus? Jusqu'à avant la création, dans le processus de la création, quand Dieu créa l'homme. C'était avec de la poussière. Oui. Voilà, donc avant que l'homme ne tombe. Voilà, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et voilà, il y a un moment qui va parler dans la formation. Voici les origines. J'essaie d'amplifier le frère Achille. Le frère Achille, qu'est-ce que tu veux savoir au juste derrière cette question pour que le frère Oswald puisse mieux répondre? Justement, en fait, ma question, ce que je veux savoir, c'est que déjà, le Seigneur avait formé l'homme à partir de la poussière. Mais à ce moment, il n'y avait pas encore eu le péché. Donc l'homme n'était pas encore, l'homme n'avait pas chuté. C'est-à-dire, normalement, ce corps-là ne périssait pas. Mais après, quand il y a eu le péché, le Seigneur lui a dit, tu es poussière, et tu, je pense que c'est Genèse 3 à partir du verset 19, il dit que l'homme doit retourner à la poussière à laquelle il a été formé. Donc ce que je veux savoir, c'est, est-ce que justement, lors de la formation de l'homme, à la base, c'était qu'il devait retourner à la poussière, en sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de péché, et si cette conception-là tenait en compte cela, ou bien c'est à la suite du péché qu'il doit maintenant retourner à la poussière. Bonne question. Donc quel était le corps avant justement que les choses se sont passées? C'est ça qu'elle pose comme question. Bonne question, mon cher frère. Allons-y. Les biblistes. Ma part de contribution. Le frère, vous voulez parler, mon frère, je te laisse d'abord. Ouais, bon, comme dans son lit, Genèse 2 à partir du verset 7, on dit l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et bon, si on parle du fait que, ce que je comprends, si on parle du fait que nous ne sommes que là pour jouer le plan de Dieu, pour que tout ce que nous faisons a été déjà décidé dans le ciel, je pense que Dieu, dans son plan, savait que l'homme devait mourir. L'homme devait mourir dans son plan. Donc, quand il a créé l'homme, il savait que l'homme devait mourir et que l'homme devait retourner à la poussière. Parce que dans la création, ce qui importe l'homme, ce n'est pas le corps physique. C'est ce souffle de vie, c'est ce corps spirituel qu'il a soufflé. Donc, l'homme, c'est l'homme. Que le Seigneur, l'homme, quand il va revenir au Seigneur, ça ne sera pas l'homme dans la terre, ça sera l'homme esprit. Donc, c'est ça que je comprends ici. Donc, quel qu'en soit le cas, l'homme qui revient au Seigneur, c'est l'homme esprit. Donc, c'est un peu ce que je comprends ici. Le frère, où est le frère Gabo? Oui, frère. Quelque chose à ajouter? Oui, enfin, ma petite contribution serait que, justement, quand Dieu a créé l'homme, a formé l'homme de la poussière et la terre, il a soufflé son souffle et l'homme est devenu une âme vivante, il n'y avait pas de défaut, il n'y avait pas. Dieu a dit que toute chose était parfaite. Mais c'est le péché qui est venu rendre l'homme mortel. C'est le péché qui est venu tout déstabiliser. Parce qu'au mal, bien qu'après la chute de l'homme, le décret de Dieu a commencé à sortir. À cause de, etc. Donc, c'est le péché qui a rendu l'homme mortel. Mais à la base, l'homme n'était pas. L'homme, Dieu avait créé l'homme et il était parfait. Mais c'est le péché qui est venu déstabiliser justement la position de l'homme avec Dieu. Mais dans ce cas, comment devait être ce corps-là? Hein? Comment devrait être ce corps? Ce corps a été créé, il était parfait, c'est ce que la Bible nous dit. Il était parfait quand il a formé l'homme de la terre, il a soufflé dans les narines et l'homme devient une âme vivante. Ce corps a été parfait, c'est ce que la Bible elle dit. Hein? Et on voit bien que c'est le péché qui est venu justement, puisque Adam a vécu 900, je ne sais pas combien d'années là. Donc, mais c'est le péché qui est venu justement déstabiliser la nature parfaite de l'homme. C'est le péché qui est venu déstabiliser. Alors, le frère Haché a satisfait de la question, des réponses? Non. Ta femme dit non là-bas, en solo. J'ai une question par rapport à ça. Non. Allô? On finit d'abord avec le frère là. Le frère Haché. Oui, il y a une chose à rajouter sur ce que je suis en train de dire. En parlant de l'homme à notre image. Oui. Je comprends. Mm. Donc, il faut faire cette différence là. Mm. Donc, quand on dit l'homme à notre image, ce n'est pas l'homme, toi et moi. Là, on parle de Jésus, là. Ok. Ça, c'était Jésus. Donc, c'était juste pour apporter. Le frère Achille, tu as la parole. Ok. Ça veut dire que si je comprends bien ce que les frères et les sœurs ont dit, à la base, l'homme avait été fait de la poussière parce que Dieu, dans son plan, il savait qu'il devait avoir la chute. Et l'homme devait revenir, justement, à l'état de poussière. Oui. Ça, c'est le résumé que j'en fais. Oui. quelle est l'implication maintenant par rapport à ta question alors? Ça veut dire que l'homme à ce moment-là, il n'avait pas le corps, comment on dit, il n'avait pas le corps, c'est là qu'il avait toujours un corps qui devait périr. Et c'est là où moi j'ai un problème en fait, parce que c'est qu'avant le péché, l'homme ne devrait pas périr. Oui. Mais le principe du périssement était dans le plan, pas vrai, il devrait arriver ensuite. Mais pas que c'est l'homme qui est conscient, mais c'est Dieu qui est conscient de cela. L'homme, lui, n'en est pas conscient. Tout à fait. Lui, c'est celui qui fait la programmation, qui sait ce qu'il en est d'attendre, pas celui qui doit jouer le rôle. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce que la Bible déclare qu'il dit faisons l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Puis la Bible déclare que pour le cas de la. Parce qu'il y a création et faire, c'est deux choses différentes, deux terminologies. Il crée l'homme à son image, puis il fait tomber l'homme dans un profond sommeil, il fait sortir la côte pour rapport à la femme. Mais avant cela, il crée l'homme à son image. Mais ce n'est pas l'homme poussé qui a son image, n'est-ce pas, frère? Amen. Maintenant, et là maintenant, il forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ça veut dire qu'il faut il forme cette forme aussi pour pouvoir mettre l'homme qu'il a créé à l'intérieur, n'est-ce pas mon cher frère? Tout à fait. Et c'est dans le corps donc, de la chair qu'on a que le péché est venu. Parce que dans le cadre spirituel, l'homme ne pouvait pas pécher en tant qu'être spirituel. N'est-ce pas? Amen, amen. Ok. J'ai une autre question qui ressort de celui-là. Oui. Dans le jardin, justement, avec ce corps-là, Adam et Ève pouvaient communier avec les esprits. Exactement. Alors justement, alors, si j'ai bonne mémoire, dans les enseignements, tu dis encore. Je crois que la connexion s'est finie là. C'est à lui qu'appartient. Le salut, il a dit. Je crois qu'il y a une petite interruption de connexion là. Vous êtes encore là? Nous sommes là, frère. Oh, je suis désolé. Le frère Yannick vient de se réveiller. Oui, le frère Yannick, il est en train de parler là de quelque chose d'intéressant. Oui, et dans les enseignements, tu étais au niveau des enseignements. Et dans l'enseignement, tu as suivi, j'ai dit, j'aime ça. Le fait de communier avec les esprits a des incidences sur le corps. Oui. Ah bon, dans ce sens, ça fait vieillir. Sur ton corps maintenant. Pas sur le corps là. Oui, sur le corps de la chair, c'est-à-dire sur le corps de poussière. Sur le corps de la chair qui n'a pas encore de péché, il n'y a pas d'incident. Ah, voilà, c'est ça que je peux chercher. L'incident, écoutez bien, les moustiques qui vous piquent là maintenant, c'est à cause du péché. Le moustique ne piquait pas déjà avant. Tout à fait. C'est ça. Vous comprenez ça? Le lion, on voit que même le lion ne mangeait pas les gens. Il ne mangeait pas les gens. Il était les lions. Oui. Il causait les lions. Oui. Le serpent ne mordait pas. Il n'y avait pas de poison. C'est venu à l'issue du péché. Donc, en réalité, lorsqu'on veut penser n'importe quoi par rapport au parfait, on a déjà la semence du péché. Ce qui fait qu'on pense avec la rétrospection, même en faisant n'importe quelle rétrospection, on fait avec l'état du péché. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas appréhender bien ces choses-là. Il faut seulement que le Saint-Esprit nous les révèle. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que quand tu dis à quelqu'un que la Bible nous enseigne qu'on peut vivre sans péché, il te regarde comme ça, il dit que tu es un marabout seulement. Parce qu'en réalité, on est baigné à l'intérieur. C'est un peu comme tu as de vouloir expliquer à quelqu'un que tu peux être dans l'eau sans être mouillé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tout à fait. Pourtant, c'est possible. La sœur Catherine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment va ton cœur aujourd'hui? C'est la première fois que tu assistes c'est la première fois que tu assistes à la France dans la sainteté. Non, dimanche dernier j'étais là. Tu as d'ailleurs assisté avec les frères. Allô? Oui. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Comment va l'état de ton cœur maintenant par rapport à la Bible? Comment je vois l'état de mon cœur? Oui. Bon, c'est toujours pareil comme quand j'étais la première fois. Comme je dis. Bon, voilà. Je vais dire, est-ce que. J'ai pas. Oui. Est-ce que c'est stable maintenant? Ton cœur est stable? Non, pas encore. Il faut qu'on arrive jusque là, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui flotte au-dessus de toi pendant que tu es en train de parler tout à l'heure. Là. Comment? Il y a quelque chose qui flotte au-dessus de toi pendant que je suis en train de parler de ces choses par rapport au péché. Puis j'ai vu quelque chose flotter au-dessus de toi. Ah bon. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Donc cette chose qui flotte au-dessus de toi a la forme du cœur. C'est pour ça qu'il pose la question par rapport à ton cœur. Ça balançait comme ça, comme le pendule. Ah. Vous savez, le pendule qui balance là comme ça là. Voilà, d'accord. Voilà ça suspendu encore sur toi. Si tu lèves la, si tu lèves la tête comme ça, tu pourras voir ça quoi. Essaie de lever la tête. Tu, lève les yeux, tu vois, tu verras ça suspendu. Tu vois? Ah bon? Tu ne vois, tu ne peux pas voir. Non, non. Normalement, le cœur qui est stable dans le Seigneur, quand tu regardes ça dans le spirituel, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mon stylo comme j'ai tenu là. Oui, je ne sais pas si vous me voyez. Non. Vous voyez ma caméra? Mais je ne vois pas. Ah, les autres, vous me voyez? Personne ne me voit ou comment? C'est oui, on te voit bien. Ok, vous voyez comment il, vous voyez comment j'ai arrêté. C'est moi qui j'ai un souci, moi. Vous voyez comment j'ai arrêté mon stylo comme ça? Oui. Voilà. Mais ce que je regarde sur elle, c'est comme ça. Ça fait comme ça. Vous voyez? Ce sont ces choses qui nous font prophétiser. Ça. En voyant ces choses-là, ça donne une indication. Donc maintenant, quand vous avez une foi stable, c'est comme ça. Comme ça. Alors lorsque ça dandine comme ça, dans tous les côtés-là, comme ça, on peut dire quelque chose aujourd'hui, vous croyez. De l'autre côté, maintenant, demain, vous croyez. Vous voyez que vous êtes stable. D'accord, donc la Saint-Catherine, ça va aller, d'accord. Il va avoir un entretien. Il croit que si le Seigneur permet, on va se rencontrer. D'accord. En fait, alors, c'est comment? Comment, ma soeur? Ok, c'est comment alors? Donc, la Saint-Catherine, il dit donc que si, s'il arrive donc que ton cœur est stable, il faut que ton cœur soit accroché de quelque chose de sûr et de stable, d'accord? Oui, d'accord. Okay. Puisque si ça continue comme ça, il y a des bruits là. Ça continue. Allô? La soeur Catherine, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends, mais avec du bruit, ça va. Oui, il y avait quelqu'un qui faisait du bruit là, c'est pas qui faisait du bruit, c'est pas moi de toute façon. Donc, si ça fait comme ça, un de ces jours, ça va tomber chez le Bouddha. Un de ces jours, comme ça, ça va encore rentrer un peu chez Krishna. Donc, tu fais pas attention avec ça. Tu vas commencer à percevoir des choses de bon aussi dans d'autres religions pour essayer de faire le syncrétisme. Ça ne serait pas bon, ça. Ok. D'accord, ma chère. Oui, frère. Donc, pendant que tu en es écouté, si tu as des questions, il faut poser, d'accord. Sens-toi libre de poser les questions. D'accord. Voilà. Bon, justement, je vais poser des questions. Bon, peut-être que, comme j'ai pas suivi toutes les vidéos de la France dans la sainteté. Je ne sais pas si vous avez répondu aux questions sur justement la repentance, tout ça, je voulais en parler. C'est concernant Philippe qui a rencontré le NEC. Voilà. Bon, je vais essayer de voir si je trouve. C'est chapitre 8 des Actes des Apôtres. Attends. Le frère Emmanuel Yoba, je reviens vers toi. Le frère Emmanuel Yoba, je reviens vers toi, d'accord. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu avais une question, d'accord. Donc, permettre qu'on prenne la soeur là. Oui, ça va partir du verset 25. Oui. Allons-y. Alors, le nec dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commença par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà, c'est tout. Mais ce que je ne comprends pas, quand on parle de la repentance dans les églises, entre guillemets, on parle de repentance, conversion, tout ça, mais là il n'est pas repenti, l'eunuque. Oui, donc l'eunuque ne s'est pas repenti, n'est-ce pas? Ça, c'est au chapitre 8. Mais là, ouvre le chapitre 3, tu lis le verset 19. Toujours oui. 19 et 20. Oui, repentez donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement envoient celui qui vous a été destiné. Voilà. Maintenant, la soeur Catherine. Oui. Supposons par exemple que quelqu'un essaie de dire à la Suisse, il prend emprunte une route, et vous, vous connaissez cette route-là. Vous direz quoi à la personne? La personne, la personne est censée aller en Suisse, mais vous connaissez la Suisse, n'est pas en train de se diriger sur le chemin que la... Et vous remarquez cette personne, qu'est-ce que vous lui dites? Que c'est pas de retourner ou de prendre le bon ticket. Voilà. Maintenant, supposons que vous avez une personne qui va en Suisse et qui ne connaît pas, plutôt sur le chemin de la Suisse. Vous, que vous faites? Ben, on la accompagne. Non, et là, pour lui, est censé le retourner ou bien quoi? Est-ce qu'il y a cette deuxième prévue? Non, mais... Il ne connaît pas. Oui. Il ne connaît pas la Suisse. T'as même su le chemin Suisse, mais... Il accompagne. C'est exactement cela, n'est-ce pas? Dans la prédication de l'évangile, vous allez voir le cas des personnes qui sont déjà sur la voie de Dieu. Et de ces éniques éthiopiens, si. Et c'est la même chose avec Corneille, dans Acte chapitre 10. Corneille, dans le chapitre, et celui-là, de Actes chapitre 8, donc déjà Dieu. Parce que la Bible déclare clairement qu'il rentrait de Jérusalem, il était sur, dans la voie de l'adoration. Donc il adorait, il cherchait le Seigneur. Donc il était sur la voie. Mais maintenant, ceux des Actes chapitre 1, vous avez lu maintenant le verset 18, 19, il dit repentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi il dit à ceux-ci de se repentir et de se convertir? Tu vois qu'il y a un problème ici là, maintenant. Donc il y a des gens qui, et ceux-ci sont censés se retourner pour se tourner vers Dieu. Dans le chapitre 10 des Actes des Romains, au verset 1, il dit que je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ne connaissant pas Dieu. Mais voulant, ne savent pas comment Dieu a établi sa propre justice, mais ils veulent établir leur propre justice. D'accord? Maintenant, l'apôtre Paul explique que les Juifs à qui Dieu en est de prêcher la repentance ne connaissaient plus Dieu au point où ils ont formé leur propre religion pour pouvoir retrouver Dieu. Là, maintenant, il faut qu'ils reviennent sur le droit chemin. On appelle ça la repentance. Mais pourtant, il y a d'autres personnes qui sont déjà sur la voie, il faut forcément les accompagner là-dedans. Voilà les deux cas de figure qu'on va retrouver sur la terre. D'accord, ma chère sœur? Ok. Voilà. Des questions? Catherine, toujours. Nous sommes avec la sœur Catherine. Et il y a un pourquoi j'insiste vers toi. Bienvenue dans la France, dans la sainteté, d'accord? Merci. Mais quoi, on se reporte, frère? C'est qu'on doit. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, le temps que tu penses, je te pose une question là, c'est Catherine. Lorsqu'on est calme, lorsqu'une personne est calme, que son cœur batte parce qu'on a. On a une peur de quelque chose d'inconnu, d'incertitude. De quelque chose, on a comme l'impression que quelque chose va arriver subitement, mais on a peur, une peur constante. Qu'est-ce qui peut amener cela? Tu connais une personne qui est comme ça? Oui. C'est qui? C'est moi. Voilà, il faut que je te parle. Je crois que pour ne pas occuper, pour que les gens, les frères ne se fâchent pas, c'est mieux qu'on ne parle pas de ça ici. On parle après, d'accord? Ok. Parce que c'est au-dessus de toi. D'accord. Donc, tu permets donc que je continue l'enseignement et puis il va revenir vers toi tout juste après l'enseignement, d'accord? Ok. Donc, après l'enseignement, ce sera toi et moi. Tu ne parles pas, d'accord? Ok. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Voilà, le frère Emmanuel Yoba, je suis avec toi. Chez toi, c'est autre chose maintenant. Allons-y. En fait, bon, je ne sais pas si je dois poser la question ou pas. Ça ne concerne pas la généalogie, en fait. C'est que on entre dans les discussions, si ça concerne les généalogies, on doit fuir ça, parce que la Bible dit quand on fuit les généalogies, pas vrai? Ouais. En fait, bon, j'avais écouté des enseignements sur Baba Iba. Après, bon, je sais pas, j'ai peut-être mal compris par rapport aux paraboles des 10 vierges. C'est en parlant des 5 qui sont folles, au fait. Oui. J'ai un doute si les cinq folles, c'est Israël ou bien ça concerne des chrétiens qui ne seront pas enlevés au fait. On va prendre les deux cas, on va étudier. Prenons le cas 1. Si c'est Israël, qu'est-ce que tu as, ça aboutit avec toi? Tu as abouti où avec cela? Non, en fait, moi, bon, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'enseignement, parce que j'avais posé la question, c'était mercredi quand on avait, avec les frères et tout. Bon, moi, je pensais, après avoir suivi l'enseignement, que les vierges folles, il s'agit des chrétiens qui vivent, par exemple, vu qu'elles sont vierges et tout dans l'enseignement, on disait, enfin, tu disais que. Sans vierge, ça signifie que elles sont sanctifiées, mais elles n'ont pas la lampe allumée. Elles sont sanctifiées, mais elles n'ont pas le Saint-Esprit. Oui. Du coup, elles vont pas être. Je crois que j'en ai parlé à Ziguinchor. Je ne sais pas si le frère Ibad a publié cet enseignement, la portion où je parle de cela par rapport à leur message particulièrement. Je ne sais pas s'il en a publié. Je crois que j'ai parlé de cette portion de Matthieu 25, verset 1 à 13 dans, à Ziguinchor. Et dans l'un des enseignements que les gens fuient beaucoup, qui dure 5 heures de temps, je crois 5 heures de temps, première partie, deuxième partie, 9 heures de temps, j'en ai parlé sur l'enlèvement et la grande tribulation. D'accord? Oui, Et du coup, mais moi, je pensais attends, que c'était. est-ce que déjà, à la base, on parle de que les vierges attendent l'époux. Oui. Voilà. Est-ce que l'Israël attend l'époux? Non. Il attend quoi? Enfin, ils attendent le Messie, non? Enfin. Et si tu ne connais pas, tu demandes à tes frères de t'aider. Par exemple, le frère Yannick est là, le frère Achille, ils sont là. Qu'est-ce qu'eux, ils attendent? Ils attendent le Christ. C'est ce que tu voulais dire par Messie, parce que Messie, ça veut dire Christ. Je recommence encore la question. Qu'est-ce qu'ils attendent? Bon, regardons dans l'image de Joseph. D'accord? Joseph de Genèse chapitre 38 à 49. Joseph, dans le livre de Genèse, lorsque son peuple l'a rejeté, il a pris l'épouse où? En Égypte. En Égypte. Donc c'est le symbole de l'Église. L'Église est prise parmi les nations. D'accord, mon frère? Voilà, donc ça concerne l'épouse qui est prise parmi les nations. Voilà. Donc quand on traite avec Israël, il faut prendre ce type-là pour bien comprendre ces choses-là. Parce qu'on dit comme l'époux tardait à arriver, toute s'assoupit. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit que je vous ai quoi? Je vous ai fiancé comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à une comme une vierge pure. Pour vous présenter dans le livre des Apocalypse, Éphésiens chapitre 5, il a fait de vous présenter, c'est de présenter cette église sans tache ni ride au Seigneur. C'est de l'église dont il est question, l'église épouse dont il est question. Comment tu fais pour tomber là avec Israël là-dedans? Au fait, Frère, Oui. je crois que la question de Frère Emmanuel est un peu. Enfin, c'est pas comme ça qu'il veut formuler sa question. Parce qu'il a posé la question, il dit que non, tout ce qui concerne les questions doctrinales, là, il faudrait que. Généralement, on les pose au frère Junior, qui a pas mal d'enseignements qui parlent là-dessus. En fait, il veut parler ici, quand il parle des vierges folles, parce qu'on a dit, quand l'heure fut arrivée, on leur présenta l'époux. Et les sages sont partis avec l'époux et les folles sont restées. Oui. En fait, pour lui, maintenant, c'est de savoir les folles là représentent quoi, en fait. C'est ce que lui veut savoir. OK. C'est que représentent les folles. Et moi, dans mon explication, ce que j'ai donné sans toutefois prétendre, voilà, dit que, bah, quand même, dans les enseignements, et le jour que le feu va se connecter, on va pouvoir poser la question. Oui. Moi, j'ai considéré les folles, puisqu'on dit qu'elles n'avaient pas la lampe allumée et elles n'avaient pas d'huile. Et on sait que le symbole dans la Bible de lui représente le Saint-Esprit. Oui. Comment quelqu'un peut se sanctifier s'il n'a pas le Saint-Esprit? C'est impossible. Voilà. Donc, il est impossible de se sanctifier sans le Saint-Esprit pour Oui. l'homme. Oui. Bon, alors là maintenant, on touche encore un autre problème qui est très intéressant à entendre. Je pose la question 1. Est-ce que tous les chrétiens qui sont sur la terre, qui confessent Jésus comme le Seigneur, iront dans l'enlèvement? Voilà, donc c'était justement. En fait, c'est un peu ce que j'ai répondu au frère. Hein. C'est un Oui. peu ce que j'ai répondu au frère. C'est bien, Voilà. je vais avancer dans ce terrain-là pour bien amplifier. Est-ce que tous Voilà. les chrétiens, ceux qui sont sur la terre, qui reconnaissent de Jésus, partiront dans l'enlèvement? Non. pourquoi certains ne partiront donc point dans l'enlèvement malgré qu'ils aient confessé Jésus comme le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le frère dit qu'on ne peut pas être sanctifié par le Saint-Esprit. Il faut faire la différence entre être sanctifié par l'Esprit et être tabernaclé par l'Esprit. Parce qu'en réalité, on peut être sanctifié. Jésus dit dans le livre des Jean, chapitre 17, verset 17, par exemple, il dit, Père, sanctifie-le par quoi? Ta vérité. Parce que quoi? Ta parole est la vérité. Voilà. Donc, le simple fait que quelqu'un écoute une prédication, il peut être sanctifié. Mmh. Ouvrez Jean, chapitre 15, ouvrez. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et soeurs que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Amen. Que Dieu me permette d'aller à Madagascar voir mes bien-aimés frères qui sont là-bas, que je vois comme ça là. Pardon, frère. Non, il ne parlait pas de sanglier, il ne parlait pas de sanglier. Il parle de sang de sanglier, frère. Peut-être que ton sanglier est déjà là. Avant la chauffe, là, t'inquiète. Jean chapitre 15, vous y êtes? Oui. Quelqu'un lit le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà. Oh, remarquez très attentivement que il n'est pas question d'annoncer une parole en disant que oh, sanctifie-moi par la parole. Sanctifie. Écoutons, les choses spirituelles ne se passent pas comme on comprend, comme les gens comprennent. Les gens croient par exemple en dormant, qu'en disant par exemple que Seigneur, je te protège par mes paroles. Tu as dit que mis-toi à mon côté et dis-moi à ma droite, je ne serai pas à terre. Ils croient qu'en disant ça, c'est ça qui les protège. Ce n'est pas ça dont il est question. Toute parole de Dieu protège. Toute parole de Dieu sanctifie. Or, remarquez très attentivement que tout ce que le Seigneur a dit, si vous lisez depuis le chapitre 13, parce que ce qu'il a dit d'abouti là, commence depuis le chapitre 13. Depuis le chapitre 13, la Bible déclare à partir du verset 1 que le jour où ils sont réunis là-bas, Jésus-Christ mit du compte à son amour. Il s'est levé alors qu'il voulait commencer. C'est là où ça commence. C'est là où tout commence. Et à partir de là, il va commencer à aller expliquer les choses, appliquer les choses. Au chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ouais, il a dit de leur parler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il a dit de leur parler. Dans Jean chapitre 14, il va finir par dire, si quelqu'un garde ma parole, je viendrai à lui, le Père et moi. Donc, maintenant, comme je vous ai dit toutes ces choses depuis le chapitre 13, vous tous là, vous êtes purifiés, comme tu as pu annoncer. Mais ça arrive, il n'a pas dit, soyez purs, je vous nettoie du péché. Il n'a pas dit ça, frère. C'est mal de le dire là. Vous savez, quand on prend, vous sentez tout simplement bien, la pleine de l'Esprit de Dieu. Ouvrez maintenant 1 Corinthiens chapitre 6, lisez le verset 6. Donc, quand le Seigneur dit par exemple à la sœur Laetitia que ton cœur ne se trouble point, tu penses qu'elle va faire comment, même si son cœur battait. Même si les événements qui doivent troubler son cœur, elle doit avoir le cœur non troublé. Tout à fait. C'est quel verset? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. C'est le verset 11 qui nous interroge, qui va nous interroger. Je lis, Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes lésé? Non. Je reprends. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que je c'est là que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous savez, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé, frère? Oui, frère, on a compris. Donc, il y a la sanctification de l'Esprit, la sanctification de la parole, d'accord? La purification de la parole, d'accord? Comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 là-bas, à partir du verset 22, au verset 27, il suivait, il dit qu'afin de vous présenter cette église sans tannerie, après l'avoir purifiée par la parole, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que lorsqu'on vous prêche la vérité, vous acceptez la vérité, ça vous fait débarrasser particulièrement directement le mensonge. Et là, vous êtes nettoyé. C'est ça le vrai problème. La Bible déclare dans le livre des Saint-Saëns, il dit qu'on raconte à notre sujet comment, quelle action nous avons eu auprès de vous, comment vous avez abandonné le Dieu vivant, les idoles pour servir le Dieu vivant est vrai. Donc, lorsqu'on accepte la parole, la vérité entre, ça sanctifie, ça nettoie. C'est ça dont il est question. Mais maintenant, pour ce qui est de l'enlèvement, il est question du scellement de l'esprit. Parce que la Bible déclare, n'attestez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé dans la rédemption pour le jour de Dieu. Il y a eu chez quelqu'un là, je crois que c'est le frère Oswald, Alors, donc, la Bible déclare que ceux qui sont scellés de l'esprit, c'est pour la rédemption. Donc, il ne faut pas confondre les scellements et le nettoyage. Quelqu'un peut être purifié par la parole, nettoyé par la parole, mais il n'entre pas. C'est ce qui exactement ressort dans le livre des Matthieu. Parce que la Bible déclare que ce sont 10 vierges. Ils sont à ce qu'ils ont été sanctifiés. Parce qu'en fait, la virginité vient du fait que Dieu vous considère comme maintenant, vous n'avez pas visité, vous n'avez pas été prostitué. Parce que lorsque vous voyez dans le rapport, dans le spirituel, avec l'église, avec la prédication de la parole de Dieu, allez exactement avec, dans le monde, les gens vont dans la fornication. Comme fidèlement marié à Dieu. À quoi? La même façon, quand quelqu'un vient vers Dieu spirituel, il est avec la parole. La Bible déclare qu'il est marié avec la parole. Donc, il est purifié ou il est sanctifié. Alors, si vous êtes purifié, vous êtes sanctifié, mais vous n'êtes pas entré en union, en contact avec l'Esprit. Vous avez... Vous comprenez pas, frère? Verset 13, la Bible dit que plus tard, ces vierges-là ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Il a dit que je ne sais d'où vous êtes. Et ils sont restés dans les ténèbres du dehors, où, les ténèbres du dehors où il y a les pleurs et les grincements dedans. Les marqués, ils sont dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où le temps règne, nous avons dit que ce sont ceux qui ont l'enlèvement là-bas. Et l'enlèvement concerne la période de la grâce. Maintenant, il va falloir, maintenant, après cela, il va falloir que l'évangile se tourne vers les juifs en recevant leur Messie roi. D'accord, frère? Alors que l'église nation attend son sauveur, son ouvreur. Mais les questions, le frère Emmanuel, c'est bon? Oui, dans l'union, il s'agit d'une question. Et une dernière question. Non, pose la question, frère, vous ne me dérangez pas, je suis là pour vous servir. Ah. Du coup, vu que l'enlèvement de Dieu se tourne vers Israël, oui. Ceux qui sont restés... Mais c'est fini, justement, tu veux qu'ils fassent quoi? Le deuxième enlèvement? Non, pas dans le sens où il y aura encore l'enlèvement. Oui. C'est fini pour eux dans le sens où ils ne seront pas sauvés à travers la grande tribulation. Voilà, maintenant, il faut que j'explique quelque chose. Puis, il faut qu'on s'explique maintenant bien. Vous êtes prêts? On est prêts. Écoutez très attentivement. Le salut est amené à l'existence par la prédication de la croix. D'accord? Je ne sais pas si vous m'entendez. Le salut... et amené à l'existence par la prédication de la croix, envoyé les gens commissionnés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? Il y a un bruit, quelqu'un qui ne sait pas si c'est le frère Oswald, il y a un bruit dans une maison où il y a les enfants. Ce sont les enfants qui sont en fait ce bruit-ci. Alors, j'ai dit ceci, le salut est amené en existence par la prédication de la croix. Et cette prédication de la croix vient du fait que le Saint-Esprit commissionne des prédicateurs pour aller le faire conformément à Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Comment croiront-ils à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? D'accord? Donc il faut que les personnes soient mieux pour pouvoir envoyer les paroles sur le cœur pour convertir le cœur à lui. Quand les personnes sont converties, ainsi, l'immortalité leur est donnée à cause de l'évangile immortel qui est prêché. Pas vrai? Tout à fait. Voilà. Alors maintenant, lorsque les personnes qui sont envoyées maintenant du côté des juifs, toute prédication qu'on fait ici, c'est lettre morte. Exactement comme chez les juifs maintenant, par exemple. Nous sommes ici, par exemple. Il y a des juifs qui respectent le Shabbat. Pas vrai? Tout à fait. Ils font tout pour faire le Yom Kippour, le Purim et le Tumim, pas vrai? Tout à fait. Tout ce qu'ils font là, c'est pour les ancêtres et pour Moïse. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Amen. Alors, de la même façon, quand l'évangile va retourner vers eux et qu'il va déverser l'esprit de grâce, l'esprit de justification sur eux, tout ce que les chrétiens vont dire ici, que Christ est mort à la croix pour vous, Amen là. Comme vous en avez dit Amen, le Amen là, ce sera pour vous et pour vous seul. Ça ne sert plus à rien. Parce que la Bible leur dit dans le livre de Malachie chapitre 4 que souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrit pour tout Israël en Horeb. Parce qu'ils vont retourner sous la loi. Quand ils vont retourner sous la loi et que Dieu a amplifié cette loi-là pour les faire venir à Christ, tout ce que vous prêchez là-bas, ce sera pour vous. Je crois que dans un enseignement, j'en ai parlé de ces choses-ci, des deux houlettes que le prophète tenait entre les mains, la houlette de la grâce et la houlette des appelées union. Je ne sais pas si vous avez entendu cette prédication, j'en ai parlé, fait état de cette deux houlettes là que le prophète avait. Il a dit, pris la houlette, il a brisé. Il a pour briser la houlette pour couper la grâce. Et puis la houlette union aussi. Vous avez là lu suivi cela? Je ne sais pas si le frère Barra l'a publié. Non. Ah ben, de toute façon, sachez donc que puisque les juifs sont censés construire encore notre temple, et ce qui dit temple physique dit la loi. Qui dit la loi dit il faut qu'il y ait des sacrifices. Et qui dit sacrifice doit il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Parce que la Bible leur dit, souvenez-vous de la loi de Moïse qui est prescrite pour tout Israël en Horeb avant le jour que le jour de l'Éternel arrive. Donc avant le jour de l'Éternel. Mais avant le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement. N'est-ce pas, frère? Avant que ces jeunes n'entrent en action, il faut qu'ils retournent sous la loi pour se souvenir de la loi de Moïse qu'il a prescrite pour tout Israël. Mais avant cela, il y a une période de grâce qui doit être ceci. Ah, quelle Bible nous avons là? Donc, ils vont retourner. Et là, maintenant, pendant ce temps, la prédication que vous avez de la grâce n'aura pas d'effet parce que la grâce aura été rompue. Je ne sais pas si vous me suivez. Par conséquent, ce qu'il voulait dire, c'est que en cette période, si toute personne qui dit « Je reconnais Jésus comme mon sauveur », il bavarde, ce sera pour lui qu'il a dit de bavarder. Parce que celui qui dit sous la loi de Moïse, là, maintenant, que « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », il s'est révélé en Christ Jésus. C'est là-bas où il se cache maintenant. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, ne laissez pas de penser que quand Christ va... Quand l'enlèvement va avoir lieu, les gens vont prêcher dans la nation pour que les gens soient sauvés. Il n'y aura plus de sauvés. Le nombre aura été atteint. Écoutez bien maintenant, ouvrez Romains chapitre 11. Quoi qu'il parle, ou regardez comme ça, comme si il soit un marabout. Ouvrez Romains chapitre 11. Oh, c'est super. Tu n'es pas un marabout, frère. Amen. C'est même chose, Romain, là, que je voulais. Tu n'es pas un marabout. Même si je suis marabout, même si on dit que je suis marabout, je dis que même si je dis que, même si je dis que les. Même si les gens disent que, ils disent que les rapports, c'est ce qu'il y a eu partout. Que je suis franc-maçon, on s'en fout. Hein? Qu'il y a eu des partout, que les rapports sexuels. Voilà. Romains chapitre 11, lisons les versets 25, 26 et 27. Romains chapitre 11. Là où il y a le bruit des enfants, veuillez fermer s'il vous plaît, et que la personne qui n'a pas de bruit des enfants, parce qu'il faut que les gens écoutent ça avec une délicate oreille. Je ne sais pas si le bruit est chez moi, hein. Si c'est chez moi, je coupe mon micro. Oui, frère, on va couper ton micro, on va voir. Voilà, c'est effectivement chez toi que ça provient. Le frère Emmanuel Yoba essaie de lire, voir, parce que chez toi tu es seul. Tu n'as pas encore d'enfant, non? Non, pas encore. Donc il ne peut pas avoir de bruit là-bas des enfants. Non, lis alors. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Non, selon on commence à partir du verset 25. Ah, ok. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une grande partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens sont entrés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Job les impiétés. De Jacob. Mm-hmm. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Mm. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Stop. Mais en ce qui concerne. Stop. Vous voyez, on dit qu'en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ennemis de qui? Ennemis de Dieu à cause de vous. Donc, ça veut dire que Dieu a fait grâce à donner l'évangile pour nous qui sauvons le monde et ils deviennent ennemis de Dieu. De la même façon, Dieu va faire cette inimitié, il va changer la chose. Mais à quelle période ça doit se passer? Il dit, l'apôtre Paul, mon grand frère, dit ici là que je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. C'est un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui doit être dévoilé par l'esprit. Il dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Vous voyez cela? Dieu a endurci aveuglement, a coupé. Dans l'endurcissement, il dit, l'endurcissement doit durer. Et si vous regardez la durée de l'endurcissement, parce que Dieu avait envoyé l'apôtre, enfin le prophète Esaïe prophétiser cet aveuglement ici dans Esaïe chapitre 6, l'année du mois de quoi? De la mort du roi Ozias. Et lorsqu'il a dit, il a posé la question jusqu'à quand? N'est-ce pas, frère? Au verset 8 du chapitre 6 d'Esaïe. Ouvrons là-bas et rentrons là-bas, lis et regardons la durée. Rapidement, et puis on va continuer dans ces Romains ici. Il dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à. Le mot jusqu'à introduit la longueur de la chose, pas vrai? La durée de la période. Il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc maintenant, quand on dit la totalité, je frissonne à l'intérieur de moi quand j'entends les prédicateurs dire des choses qui ne sont pas bibliques. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, après la grande tribulation, ou bien pendant la grande tribulation, quand l'église va être enlevée, de les prédicateurs seront sur la terre, vont prêcher à une nation pour que les gens soient sauvés. Ils me demandent bien quel style de Bible ils lisent. Comment il y aura des prédications encore pour sauver les gens quand la totalité des païens sont déjà entrés? Dans la première prédication qui inaugure l'église, l'apôtre Pierre en a parlé de ces choses-ci. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on reçoit le don du Saint-Esprit, vous êtes intégré. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand le nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera est arrivé, la promesse est terminée. Vous voyez là, on se retrouve, n'est-ce pas? Donc, lorsque la totalité des païens entre, selon qui, vous avez, je crois que vous êtes déjà dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, vous êtes déjà là, lisez le verset 8. Le frère Pierre est allé rendre visite chez Abraham, sous l'arbre. Vous le voyez sur le terrain là-bas. Je suis déjà arrivé là. Oui. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pendant qu'on y est, il faut qu'il soit à jeûne ce soir pour ne pas manger le saumon sanglier, il se trouve là-bas. Ah, c'est parce que quelqu'un va juste filmer. Il va seulement filmer. Oui, okay. Frère, frère, oui, excuse-moi de t'interrompre. J'avais une question qui va dans la même lancée. Si en développant, peut-être tu répondras à ma question. C'est puisque c'est par rapport au salut d'Israël. Parce que dans, comme tu es en train de dire, que le Seigneur a endurci le cœur d'une partie d'Israël, oui. Jusqu'à ce que la totalité de païens ont. Puisque j'avais vraiment ce roman 11 là, puisque j'étais sur ça. Oui. Mais ma question est de savoir, puisque j'ai, dans ma marche, j'ai rencontré des gens qui étaient des Israélites. Oui. Et ils m'ont fait comprendre que eux ils vont entrer, quel qu'en soit le cas, et ils entreront donc, quel qu'en soit la vie. Et ma question est de savoir, est-ce que ça veut dire que quel moment ce que le Seigneur endurcit le cœur, oui. Est-ce qu'ils entreront parce que le Seigneur endurcit le cœur, ou bien ceux qui vivent dans ce monde-là, à cause de cette grâce-là, est-ce qu'ils entreront, quelle qu'en soit la vie qu'ils auront menée? C'est ça un peu ma question. Quand vous touchez les grandes choses de la Bible, vous pouvez permettre que je parle alors maintenant. Parle, frère, Romelin. Amen, amen. Parle. Je vous pose une question, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Vous avez entendu parler de Rahab la prostituée? Oui. Où se trouve-t-elle? À l'heure où on parle. Au sein d'Abraham. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que la loi dit d'elle que... je crois peut-être que c'est bien qu'on aille directement le dire, non? On va mettre une pause là-bas sur le truc de Rahab. Parce que permettez-moi, parce que le frère Oswald a glissé là-dessus. Permettez que on suit le canevas qu'on suivait. On finit là-bas et puis on revient là-bas. Oui. Sinon, ça va nous éloigner vraiment loin. D'accord? Oui. Ok. Oui, frère, je vais juste compléter sa question, en fait, parce que le Christ dit à Nicodème que quelqu'un ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Mm-hmm. Est-ce qu'il parle de tout le monde ou bien il parle exclusivement des Juifs, en fait? Parce que ça rejoint toujours la question du frère Oswald. Voilà. Merci, frère. J'ai noté à la suite, j'ai noté, on va voir. Et mon grand frère a des thèmes, si véritablement, en reprenant tous les facettes de ces questions-là, on va voir ça tout à l'heure, celui qui va parler, d'accord? Il m'a préparé particulièrement le chemin pour que mon ministère soit facile sur la terre, je vous le dis. Absolument. Alors, si le frère Oswald, il y a des pleurs là-bas. Je crois que c'est un frère à Ville-Châtillon, il y a également quelqu'un qui pleure là-bas. Même s'ils font n'importe quoi, ne lui donnez pas mon sanglier, ils ne mangeront pas cela. Alors, continuons. Qui est en train de lire tout à l'heure là? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Allons-y, frère, lisons là-bas. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Oui. Je répondis: me voici, envoie-moi. Oui, continue, frère. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis: jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, voilà. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert, et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Voilà. Maintenant, donc on a, Dieu nous a donné effectivement là la longueur de la période qui va durer l'endurcissement. Maintenant, en observant ça, est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'il a dit, prouver d'habitants, ou s'il y a encore des restes d'habitants, ils seront à leur tour prouver des enfants. Vous comprenez ce qu'il a dit? Si vous avez compris, on avance maintenant. Alors, donc, voilà la longueur de la durée de l'aveuglement d'Israël. On a dit clairement jusqu'à quand. Il a dit que jusqu'à ce que, donc, c'est la longueur de l'aveuglement va durer jusqu'à ce que ces choses, ces événements, ce qu'on a dit de décrire, soient là. Maintenant, lorsqu'on transporte dans le livre de Romains, chapitre 11, qu'on a lu tout à l'heure, il dit: je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, tel qu'il se prophétisait là-bas, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, pendant que c'est, Israël est privé de leur habitation, les gens sont en train de remplir le peuple, n'est-ce pas? Les gens sont en train de remplir, parce qu'on dit jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. S'ils sont entrés, la Bible déclare dans le livre des Romains, dans le livre de quoi, Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à suivant, qu'on était étrangers aux alliances de Dieu. Pas vrai? Privés des droits de cité en Israël. Maintenant, par la croix de Christ Jésus, on a été réconciliés, on a été amenés là-bas. De ceux qui étaient éloignés, il les a fait ramener. Ceux qui étaient proches, il les a fait ramener pour les reconstruire, pour former en lui seul un seul corps. Maintenant, lorsque la totalité des païens entrent, maintenant, écoutez bien ce mot-là, totalité, ça ne veut pas dire que tous les païens vont entrer. N'est-ce pas, frère? Ça ne veut pas dire que c'est tout par rapport au nombre que Dieu a prévu qui devrait entrer. C'est ce qu'il dit là. Le nombre, seul Dieu connaît. Jusqu'à quand ça va se limiter, en quelle période de l'année, de quel siècle, Dieu seul connaît le nombre de personnes qui sont censées entrer. Donc, si c'est en 2019, que dans l'agenda de Dieu depuis l'éternité, il avait prévu que le dernier à entrer doit se retrouver dans le Kitongo, ou bien au Congo du Sud, au Sud Kavu, ou bien en Tanzanie. Que le dernier à entrer serait en Tanzanie. Quand le dernier là entre, c'est là où je vais parler, toute prédication que vous faites sur la terre pour sauver, tous ceux qui confessent qu'ils sont sauvés ne sont jamais sauvés. C'est clair, frère, c'est clair, c'est limpide. Vous avez suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce qu'il a dit, la promesse est faite, l'endurcissement est fait jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Or, la totalité des païens ne veut pas dire que tous les païens du monde doivent entrer, parce que tous les païens du monde ne peuvent pas entrer. Donc, là, il dit la totalité du nombre de groupes de brebis qui ont été prédestinés à entrer. Alors, Jésus dit donc que le dernier à entrer, c'est Dieu qui connaît le dernier à entrer. Personne dans le plan de Dieu ne peut savoir qui est le dernier à entrer. Lui seul connaît. Et il dit donc que si c'est en Tanzanie, ou bien au Kenya, ou bien en Zimbabwe, ou bien même en Afghanistan, parce que c'est un pays païen également, ou bien au sud de l'Irak, que le dernier à entrer est destiné. La dernière personne qui va entrer dans le salut chez les païens, quand il va entrer, parce que quand il va entrer, Dieu ne va pas dire arrêter la prédication. Parce que la preuve en est que voilà les gens qui prêchent encore la loi de Moïse. Quand Jésus était sur la terre, il prêchait la loi de Moïse. Jésus a dit laissez-les, ils sont assis dans la chaise de Moïse. Il est parti, il prêche toujours la loi de Moïse. Pas vrai, frère? C'est venu passer, c'est passé. Il continue toujours à prêcher. Il reste. Tout ce qu'il prêche là, ça n'a rien à voir avec Jésus. De la même façon, quand Christ notre Seigneur viendra chercher son église, ou mieux encore, quand la dernière personne entrera, tout ce que vous allez prêcher sur la terre, la Bible ne disparaîtra pas. Vous allez toujours continuer à prêcher la Bible. Les églisettes seront toujours là. Peut-être les dénominations auront même encore davantage de membres. Ils vont chanter, louer Dieu. Louer, louer, louer. Chantons, chantons, chantez. Chantez pour Dieu, louer le Seigneur Jésus, Seigneur. Hey! Alléluia. Amen. Jésus est rédempteur. Mais il n'y aura plus de rédemption, ça sera fermé. Alors la houlette grâce sera brisée en ce moment-là. Amen. Alors donc, il n'y aura pas de salut sur la terre après l'enlèvement de la grâce. Amen. Voilà, cela dit, c'est cela une implication. Tournons-nous vers les juifs par rapport à ce que le frère Oswald a parlé. Il dit que lors de la rencontre avec les peuples juifs, celui-là, et nous voyons effectivement destiné juste la terre. C'est là où nous allons aller dans la Bible pour vous lire quelque chose maintenant, toujours dans le livre des Romains. On doit se poser la question véritablement qui est juif au sens biblique du terme et au sens du salut par rapport aux juifs. Maintenant, quelqu'un dit, ils fument la cigarette, ils sont les homosexuels. Il n'y a pas de grand, plus grand homosexuel qu'en Israël actuellement. Alors, les gens diront maintenant, ok, comme je suis juif, maintenant je suis sauvé parce que la Bible déclare que tous les juifs seront sauvés. Tu parles. Je pose la question, Judas Iscariote, était-il de nationalité juive? Effectivement, affirmatif. Où est-ce qu'il va se retrouver? En son Dieu. Ok. Alors, entre Judas et eux aujourd'hui, pourquoi Judas ne sera-t-il pas sauvé? Eux seront sauvés. Romains chapitre, allons-y là-bas, on va dépouiller la Bible maintenant. Frère, juste une petite parenthèse, il y avait une dame, c'est toujours une Camerounaise, qui est passée sur une chaîne ici, qui disait qu'elle a vu Judas au paradis. Quand on parle des choses sérieuses, les gens qui veulent vendre leurs livres et les CD là-bas, quand on parle des choses sérieuses, laissons-les tranquilles, on avance, d'accord, parce qu'on a touché les choses capitales. Amen. C'est clair. Mm-hmm. Que Judas, Jean-Paul II en enfer. On a vu Jean-Paul II en enfer parce qu'il ne prêchait pas la parole, il n'avait pas fait. On ne parle pas de l'idolâtrie. On continue ici. Romains chapitre 9. Donc, tu parles de Django, n'est-ce pas? C'est Casarema. Exact. Frère, toi, tu connais tout. Hein? Voilà. Allons-y ici, dans le livre de Romains chapitre 9. C'est une sœur, voilà. C'est une Camerounaise. Donc, c'est ta sœur. Non, la sœur de Godi Bakoko là-bas. Elle a bien compris. C'est Grèce. Vous savez qu'on coupe la lumière chaque fois là-bas, non? Verset 24 jusqu'au dernier. Verset 24 jusqu'au dernier. Je lis Romains 9, verset 24. Et il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Selon ce qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc, vous voyez que longtemps avant, attends, ça veut dire que longtemps avant, comme le prophète Paul en a dit ici, il cite comme ça un autre prophète dans Osée au chapitre 2. Si vous lisez le verset 22 de Osée chapitre 2, effectivement, on parle de cela. Mais la manière que le Saint-Esprit présente ça sur ce nouveau jour-ci, si vous lisez là-bas, vous avez comme l'impression que ce n'est pas de l'église qu'on en est de parler, ou mieux encore des peuples païens. Donc, depuis les prophéties bibliques, on pouvait voir effectivement que le salut devrait aller dans les nations. Maintenant, ici, l'apôtre Paul parle en voulant présenter la chute d'Israël, le choix souverain de Dieu, et puis l'introduction du message sur la terre des nations. Et il dit que Dieu a déjà prévu dans le livre de Osée que j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas appelé mon peuple, et ma bien-aimée. Et regardez comment il chante ce cantique-là en disant que sa bien-aimée a même le corps brisé, brûlé par le soleil. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Continuons, ma soeur. Après ça, on parle de l'expiration de 10 minutes et on y revient. Oui. Et il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les fils du Dieu vivant. Oui. Aussi, Esaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Stop. Frère Osva, il est où? Il est là. Voilà. Donc, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Romains chapitre 11, verset 25, dont on a vu tout à l'heure, parce qu'on va y revenir, on n'a pas fini jusqu'au verset 28, il est dit que lorsque la totalité des païens sera entrée, alors maintenant l'évangile va se tourner vers les Juifs, car il va venir pour détourner de Jacob ses impiétés. Puis il dit, alors tout Israël sera sauvé. Donc Israël qui est sauvé totalement est constitué d'une partie des gentils greffés à ce petit nombre de Juifs qui est sélectionné et sauvé. Parce qu'on a dit ici que lorsqu'ils seront multipliés, s'ils sont comme le sable de la mer, c'est un seul reste sûrement qui sera sauvé. Est-ce que vous comprenez le pourquoi? Vous comprenez le pourquoi? Non. Parce qu'en réalité, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël dont Dieu parle. C'est ce que la Bible nous explique. Amen. Vous avez entendu. Il suffit seulement d'avoir la nationalité, mon frère. Ok, donc vous commencez à comprendre maintenant. Continuons, de toute façon, continuons la lecture. Car le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole avec justice. Il exécutera rapidement sa parole sur la terre. Et comme Esaïe avait dit auparavant, si le Seigneur des armées nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Que les nations qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait la loi de la justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Car ils se sont heurtés contre la matière d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion la pierre d'achoppement et scandale, et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Voilà. Amen. Maintenant, je reviens au verset 6, 7 et 8, ma soeur. Toutefois, il est impossible que la parole de Dieu ait échoué, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous avez entendu? Tout à fait. Donc, quand Dieu parle d'Israël, qui sera sauvé, il faut faire attention. Il ne faut pas être appartenu seulement à la nation juive. C'est vrai qu'à la nation juive, vous pouvez faire du bien et recevoir les bons et bienfaits de cela parce que c'est sa nation à lui. Mais en ce qui concerne le salut, Dieu est méticuleux là-dessus. Il ne suffit pas d'être seulement d'une postérité pour être sauvé ou bien d'une descendance naturelle, puisque Judas l'était. D'accord, frère? Continuons la lecture. Et même s'ils sont de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Stop. Car il est qui? Là, ça commence à poser problème. Souvenez-vous de l'intercation des gens, chapitre 8, où Jésus a eu l'intercation avec les gens qui ont dit clairement, nous sommes la postérité d'Abraham, mais nous ne fûmes point esclaves de personne. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Jésus, notre Seigneur, leur dit que je sais que vous êtes des descendants d'Abraham, mais vous voulez me tuer. Vous voyez? Et par la suite, Jésus leur révèle leur vraie identité là-bas, que en réalité, vous êtes pour père le diable. Donc, même au milieu d'Israël, en fait, s'il y a un endroit où on a mélangé la sémence, c'est vraiment là-bas. Au milieu d'Israël se trouve dans la race des vipères en plein. En tout cas, quand Jean-Baptiste venait, il prêchait la prédication. C'est à eux qu'il s'adressait. Race des vipères. Donc, la race des vipères s'est mélangée même dans la descendance naturelle d'Abraham. Lisons encore, ma soeur. Lisons versets 7 et 8. Je reprends le verset 7. Et même s'ils sont de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Car il est dit, c'est en Isaac que tu auras une postérité appelée de ton nom. Stop. Donc, voilà, vous voyez effectivement que ici le Saint-Esprit explique littéralement, et par la suite, il va dire maintenant par rapport à la parole de la promesse. Pourquoi il dit... Je vous avais dit qu'il faut qu'il parle, non? Parle. Okay. Parle, frère. Remarque, mais il dit que... Car il est dit... Mon grand frère, ce type-là, il vous dit... C'est celui-là. Il dit... Lorsque l'apôtre Paul en est venu expliquer, il dit que... Isaac est celui dont on parle de la postérité. Pourtant, il dit cela que tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas ses enfants. Or, avant que Isaac ne vienne, Isaac est venu à la promesse lorsque Ismaël avait déjà 13 ans. Abraham a eu plus de presque 8 enfants, pas vrai? Tout à fait. Bon, maintenant, ici l'apôtre Paul veut prendre le cas d'Isaac pour montrer effectivement qu'en réalité, s'il s'agit de la postérité selon la promesse, Ismaël, Dieu ne le connaît pas. Les autres d'écriture à Dieu ne le connaît pas, il connaît Isaac. C'est le type de la semence promise là-bas. Amen. Pourtant, physiquement, on voit effectivement comment il est allé avec Keturah pour avoir les enfants. Il est allé avec Agaï pour avoir Ismaël. Et puis, Dieu a promis qu'il va bénir de façon physique Ismaël. Il va avoir 12 princes qui vont sortir de lui. Mais maintenant, ici, il dit que pour être de ses descendants, tous ne sont pas ses enfants. Comment les enfants qui sont nés d'un homme, l'un sera son enfant et l'autre rejeté par Dieu comme n'est pas son enfant. Mais pourtant, sur le plan littéral, sur le plan normal, naturel, on voit effectivement que ce sont ses enfants. Donc il faut qu'on comprenne ce que Dieu lui a dit d'appeler. Ça veut dire quoi? Ce sont les gens qui sont issus d'Israël, appelés de Dieu et connus de lui, qui sont issus de la postérité d'Abraham. Amen. Regardez la suite des versets. Regardez bien la suite des versets. Maintenant, lis, ma chère. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés pour être la postérité. Donc ça veut dire que si Dieu ne vous a pas connu comme ses enfants, tout ce que vous faites là, c'est pour vous et pour votre famille. Tout à fait. Un peu comme dans... Un peu, ça me revient à l'esprit, ce verset-là, frère, concernant Jacob et Isaïe. Donc c'était deux nations, deux êtres différents, quoi. Et qui sont sortis des mêmes ventes. Du même vent. Donc nous voyons effectivement, en répondant à la question du frère Oswald, que la conversation avec le juif, il dit que ils entreront tous, même s'ils font n'importe quoi, qui vivent dans l'homosexualité. Ça montre clairement la nature de leur papa. Vous comprenez cela? C'est pour ça que l'apôtre a dit là-bas que si ce n'est pas Dieu qui avait préservé la race là, c'est qu'ils seront tous devenus comme Sodome. Ce n'est pas pour rien qu'elle a utilisé Sodome. Et vous voyez effectivement ce qui est en train d'arriver là-bas maintenant. Et là, on dit que c'est la ville spirituelle, la capitale. Le corps cadavre sera exposé quand les deux témoins vont venir prêcher. Parce que ça va physiquement être comme Sodome et Gomorre. Vous voyez? Alors, il faut qu'on fasse attention. Les juifs qui sont sur la nation, dans la nation juive maintenant, ce n'est pas tous qui sont ses enfants. Maintenant, vous posez la question de savoir, est-ce que c'est parce que ceux qui seront sauvés, parce qu'ils ont, tout simplement parce qu'ils ont été joués, parce qu'ils ont rejeté le Messie, ou parce qu'ils ont été aveuglés. Maintenant, écoutez très attentivement. Ouvrons Apocalypse, je vais vous montrer quelque chose. Chapitre 6 de Apocalypse. Les landros sont là, est-ce que ils ne vous contrôlent plus maintenant, ils parlent seulement, c'est pas qui est là, qui n'est pas là, de toute façon. Parce que c'est très bon là maintenant, c'est trop bien ce matin-ci. Oui, oui, on est là, frère. Ok, ok, ok. J'espère que vous m'entendez bien, non? Oui, oui, on t'entend bien, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Chapitre 6 d'Apocalypse, amen. Verset 9 à 11. Verset 9 à 11. 9 à 11. 9 à 11. Et quand il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient gardé. Et elles criaient à haute voix, disant, jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang de ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun des robes blanches et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux soit complet. Voilà. Vous voyez de qui les questions ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, ceux qui avaient été marqués par l'Esprit de Dieu qui devaient aller en jugement. Lorsque le Seigneur devait être crucifié, le roi mondain qui était là-bas, Pilate a demandé qu'on relâche Jésus. Il a dit non, on ne veut pas de Jésus. Et ils ont dit clairement que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez comment ils ont amené dans la génération suivante la malédiction de la mort du Seigneur Jésus. Et ici, nous voyons effectivement que lorsqu'ils se sont réveillés, je peux parler vraiment. Oui, parle, frère. Quand vous voyez, pour vous qui êtes en Europe, vous connaissez le massacre de Auschwitz, les fous qu'il a créé là pour pouvoir détruire le peuple juif. Prenez le temps de lire le livre de Mein Kampf d'Adolf Hitler, si vous avez du temps. Lisons le livre d'Adolf Hitler, comment il taxait les juifs, comment il marchait avec le peuple juif. Il a dit que ce sont les gens qui doivent être écrasés parce qu'il les appelait les vermines. Qu'il fallait écraser parce qu'il s'opposait à l'ordre des choses, parce que tant que ces personnes sont là, parce qu'il avait remarqué que dans le cinéma était corrompu, la société juive était, enfin, la société était corrompue parce que c'était tenu par ces juifs là. Il avait constaté que à Berlin et à tous les autres parties de l'Allemagne, les juifs contrôlaient le cinéma, et avec ce cinéma, il disait que ils ont, c'est dans le match quand ça écrit, il disait qu'ils servaient un dieu terrible, mais pourtant ce sont eux qui infestaient la population avec le cinéma, avec les cultures, ainsi de suite, la littérature. Il a commencé à vouloir maintenant parler de la suprématie de la race blanche. Sur cette race-là, il va vouloir détruire ces gens-là. Mais cet esprit d'Hitler qui est programmé à détruire le peuple juif n'est pas anodin parce que c'est eux qui ont invité cet esprit. Jésus leur avait dit, si un autre vient, vous le reconnaîtrez, vous le recevrez volontiers. Pourtant, je suis venu au nom de mon père, mais je n'ai pas revenu. Donc Jésus a prophétisé quand l'Antichrist va venir, en son propre nom, il va le recevoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller quand il est allé dans les partis travaillistes et autres là-bas, les socialistes, il va entendre les discours de tous les autres pour faire la synthèse. Il va voir que rien comme ce discours-là, j'ai dit, c'est dans Mein Kampf d'Adolf Hitler que ça se trouve. Si vous lisez ces documents de lui. Et donc, il va décider, donc, quand il va monter au pouvoir, avec ses différentes résolutions qu'il va prendre là en 33 et 35, lorsqu'il sera en prison, ces choses-là étaient déjà conçues en lui pour détruire cette race-ci. Pourquoi il détruit cette race-ci? À cause de la malédiction que les peuples juifs avaient invoquée sur eux. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils avaient tué le Messie, maintenant ils devront en payer. Hitler et Himmler vont préparer un coup principalement pour eux-là, pour pouvoir les jeter dans le four. Et regardez ce qui leur est arrivé. Quand ceux-ci vont fermer les yeux maintenant, et c'est pas terminé. Tout simplement, on les tuait parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils portaient le nom d'Israël. Tout simplement. ils étaient marginalisés, tu es torturé parce qu'ils portaient le nom des juifs. Quand ils vont aller maintenant, dans le, c'est ce qu'ils révèlent ici dans ce cinquième saut. Le cinquième saut, vous remarquez très bien que le cinquième saut n'est annoncé par aucun animal. Parce qu'ils doivent être quatre. Regardez bien, au cinquième saut, il n'y a pas un animal qui dit viens et vois. Ici, on dit qu'on ouvre le saut. Sous le saut, il voit subitement sous l'autel. Ça devient intéressant, pas vrai, frère? Sous l'autel. Ici, ça ne peut pas être les chrétiens parce que le chrétien ne passe pas sous l'autel. Pas vrai, mes frères? Amen. En tout cas, si vous comprenez ces choses-là, je peux avancer. Ça, je pense que vous avez mangé des gros morceaux. Alors, il dit qu'il vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été volés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Regardez les deux faibles, pourquoi ils sont sous l'autel, qu'ils avaient été immolés. Ils n'ont pas été immolés en tant que témoins de Jésus, mais à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On y va. Il criait d'une voix forte, disant, Seigneur, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Or, vous remarquez bien que ceux-ci sont écrits vengeance. Les chrétiens, eux, ils n'écrivent pas vengeance. Parce que au chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 13, la Bible dit que heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les suivent. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Les chrétiens, eux, ils n'écrivent pas vengeance. Ceux-ci crient vengeance. Donc, ça ne sont pas être les chrétiens. Et ils ne peuvent pas être sous l'autel. Alors, au chapitre 7, le verset 9 du chapitre 7, voilà, lisons quelque part pour vous voyez encore une autre chose. Que Dieu vous bénisse, la France dans la sainteté. Excuse-moi, frère Junior. Oui, ma soeur. Donc, ça veut dire, en fait, que les personnes qui crient bonjour, c'est tout, ce ne sont pas des chrétiens, en fait. Comment, ma soeur? Donc, ce sont les personnes, en fait, qui sont sur l'autel et tout, et qui crient bonjour dans le livre d'Apocalypse. Ce n'est pas eux, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. C'est pour ça qu'il veut vous montrer là maintenant. Ça ne peut pas être les chrétiens ici. Maintenant, allons voir les chrétiens. Tout à l'heure, vous avez posé la question dans Matthieu chapitre 25 par rapport aux vierges folles, n'est-ce pas? Oui. Allons les voir rapidement. Voyons, au chapitre 7, là, verset 9, lisons ce qui est écrit. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches. Et ils avaient des palmes dans leurs mains. Arrête de voir là-bas. Et ils criaient. Attends, ils criaient quoi? D'une voix forte. Et d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà. Maintenant, quand il va crier comme ça, le Jean va tellement voir ces choses qui sera terrible dans la vision au point où il va se poser la question. Mais ceux-ci viennent d'où? Enfin, c'est même l'ange là qui veut lui montrer, qui veut lui poser la question. Continue la lecture jusqu'à ce qu'on tourne le point de l'identification. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens et des quatre êtres vivants, et ils se prosternaient devant le trône sur leur face et adoraient Dieu en disant amen, la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu d'âge en âge. Amen. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et il me dit, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé et blanchit la longue robe dans le sang de la nuit. Stop. Attendez, ne courez pas. Ces choses sont c'est des grands sujets de la Bible qu'il faut vraiment aller doucement. Maintenant, l'ange qui a posé la question à Jean a posé le Seigneur. Jean a dit que je ne sais pas, c'est toi qui dois même dire d'où je viens. Parce que ces choses dans la vision sont tellement confuses. Maintenant, les identifications aussi nous montrent clairement de qui il a encore eu les questions. Il dit clairement que ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. En fait, initialement, au verset 9, on dit d'eux qui sont issus de toutes les tribus de la terre. Donc, ça veut dire que c'est parmi les païens. N'est-ce pas, frère? Parce que dans ce chapitre 7-là, on va voir effectivement les 144 000 qui sont choisis des 12 tribus, des 12 tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu. Pas vrai? Voilà. Ici, maintenant, on dit que ceux-ci sont issus de toutes les tribus qui sont sur la terre. Ils sont dans une grande multitude. Et ils sont devant le trône. Regardez, suivez bien encore le mot devant le trône au verset 9 du chapitre 7. Devant le trône. Pourtant, dans le chapitre 6, ceux-ci étaient sous l'autel. Il y a des bruits. Sous l'autel maintenant, si vous lisez au chapitre 6, verset 9, lorsqu'on ouvre le cinquième saut, sous cet autel-là, on a dû donner la robe blanche à ceux-ci de se revêtir et de se tenir en silence jusqu'à ce que la suite et le nombre de leurs frères qui devaient être encore mis à mort sur la terre soit au complet. Donc, les Juifs doivent encore entrer dans la tribulation, doivent encore les massacrer. Effectivement, c'est ce qui est écrit dans la période de la tribulation qui va avoir lieu où les anges, enfin, les deux messagers seront sur la terre pour prêcher. On va voir la supercherie de l'Antichrist. Ils vont aller maintenant pour faire la guerre au reste de la postérité. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Alors, maintenant, regardez bien. Voici deux événements. Remarquez que pour ceux qui sont sous le trône, on leur donne la robe. Pour qu'ils portent, parce qu'ils n'en avaient pas avant d'arriver sous le trône, sous l'autel. N'est-ce pas, frère? C'est ça. Les gens ne parlent plus ici aujourd'hui. Ok. Mais pour ceux-ci de chapitre 7, ils ont une robe. La robe a été salie. Ils ont dû laver dans le sang. Vous avez vu la différence? Oui, frère. Amen. C'est pour cela qu'ils ont passé par la tribulation. Vous y êtes? Allons au chapitre 19. Allons au chapitre 19. Passons par le chapitre 14 d'abord. Chapitre 14, oui. Verset 13. Verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Donc ceux-ci entrent dans le repos. Et dans le repos, ils ne peuvent pas avoir d'angoisse. Mais ceux qui sont sous l'autel, là, ils avaient l'angoisse parce qu'ils criaient vengeance. Ils disaient que non, on ne peut pas laisser les gars là comme ça. Pas vrai, frère? Chapitre 19, versets 6, 7 et 8. Chapitre 19, versets 7 à 8. Réunissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Voilà pourquoi les saints ne peuvent pas passer dans le jugement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, dans le chapitre 7, verset 7 et suivant, ces gens se trouvent devant le trône. Dans le chapitre 19, ici, il est question de ceux qui sont. Il y a des gens qui sont dans la salle des noces et la femme, la parfaite, la choisie, doit faire son entrée. Et alors qu'au chapitre 6, verset 9, là, quand on a ouvert le trône, quand on a ouvert rompu le sceau, le cinquième sceau, d'autres personnes se trouvent sous le trône, sous l'autel. Ils sont sous l'autel parce qu'il faut qu'ils passent par l'intercession. Alors que les chrétiens ont déjà vaincu avec le Seigneur, eux. Donc il faut faire attention lorsqu'on parle de. J'avais dit, si on a le temps avec l'Apocalypse, on pourrait prendre une série sur l'Apocalypse. On prend à partir du chapitre 1, on les étudie jusqu'à ce qu'on change au chapitre 22. Ce serait bien de faire ces choses, de cette étude-là, en touchant et en reliant les Écritures avec les prophéties entre eux. Mais si le Seigneur le permet de le faire, on le fera. Alors, en clair, ça ne peut pas être. Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on doit être sauvé. Mais ceux qui ont été prédestinés, marqués par l'Esprit de Dieu, pour faire frapper le Messie, devraient passer par cette difficulté-ci. Et ceux des juifs, des nations juives, c'est pour ça que Dieu les garde pour les sauver. Ceux donc qui vont passer par les tribulations et qu'on doit tuer de cette façon-ci se retrouvent sous l'autel parce que, à cause du témoignage qu'ils rendent et à cause de la parole de Dieu qu'ils gardent. Voilà pourquoi ils sont sacrifiés ainsi. Maintenant, pour ceux qui sont les renégats dans ce peuple-là, ils vont aller effectivement dans la Géhenne comme il est prévu pour eux. Parce que ceux qui sont descendus d'Israël ne sont pas tous Israël, comme dit l'apôtre Paul. D'accord, mes frères? Amen. Alors, le frère Pierre a emboîté avec la suite en disant que lorsque la question est posée à Nicodème, qu'il faut que vous naissiez de nouveau, il le dit excusez-moi aux juifs, il donne à tout le monde. Déjà, la parole de Dieu nous dit clairement que Nicodème était un juif. Et il parlait comme ça. Il a dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Gardez-vous à l'esprit que quand le Seigneur parle, il vient, il ne parle pas à un individu. Il parle des choses spirituelles, il déclare des choses spirituelles. Donc, quand il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, il faut qu'on sache à qui il a envie de s'adresser. Il s'adresse à tous les enfants qu'il est venu appeler pour qu'ils reviennent pour avoir la vie de Christ. Parce que cette nouvelle naissance dont je viens de parler, il parle de la vie de Christ habitant en nous, ou bien l'Esprit de Dieu habitant dans les individus. Vous m'entendez maintenant? Je crois qu'il y a une interruption encore là. On t'entend, frère. Voilà, donc la vie, en résumé par rapport à ce qu'il t'a dit avant qu'il y ait une interruption, il est question de la nouvelle naissance comme étant la vie de Christ venant dans les individus. Et quand l'apôtre Paul, quand le Seigneur Jésus parle de ces choses-là, Nicodème, oui, quelqu'un veut parler? Non, frère, continue, frère. Donc, quand le Seigneur est en train de parler à Nicodème de la nouvelle naissance, il est en train de parler de la sélection de ses enfants pour pouvoir être marqué de l'esprit.

est-ce que ce sera aussi facile pour ça de pouvoir, pouvoir remporter quelque chose? Oui, tu poses la question sur le fait que peut-être les apôtres ont tellement aussi vécu des tribulations. Comme il a dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut hériter le royaume. Et tu penses que ce sera facile pour nous d'entrer comme cela sans avoir souffert quelque chose, quoi? Voilà. Je pose la question. L'apôtre Paul, mon grand frère, a porté sur lui les nombreuses marques et tout ce que le Seigneur n'a pas fini avec à la croix, il achève dans son corps pour l'Église. Toi, tu le fais aussi? Moi, je n'ai pas souffert comme Paul. Actes chapitre 22. Prenons 10 à 16 d'abord. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main. Et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi, et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère retrouve la vie. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras mon témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pour t'attarder, lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés, en faisant appel au nom du Seigneur. Oui, le frère Oswald, veuillez fermer votre micro. Maintenant, allons au chapitre 26 maintenant. Oui. À ces mots, l'officier m'a averti. Attendez, le chapitre 26, d'accord? Chapitre 26, okay. Oui. Maintenant, lis le verset 14 à 18. Nous sommes tous tombés par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers je toi. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de ta foi à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Voilà. C'est bon. On parle de qui ici depuis? De Saül. De Saul. Ok. Maintenant, chapitre 9. Chapitre 9. Oui, verset 12 à 16. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part du chef des prêtres pour arrêter tout ce qui est fait à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y. Parce que Tom est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux rois. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Amen. Donc, dans le ministère de l'apôtre Paul, il y a la souffrance pour Christ, n'est-ce pas? Oui. C'est prévu qu'il souffre pour Christ, pas vrai? Oui. Dans le cas de l'apôtre Pierre, c'est la même chose? Oui, mais la plupart des apôtres, tous ils ont souffert. Ok. Jean, lui, il est mort comment? Je crois que lui, il est mort de mort naturelle. Pourquoi? Alors que les autres ont souffert, d'autres ont été lapidés, sciés, ainsi de suite. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour lui. C'est exactement cela. Alors, il y a les appels individuels par rapport à une souffrance et il y a la souffrance globale qui régit une époque. Dans les sept églises, par exemple, il y a d'autres qui doivent être jetés pendant la tribulation sur 10 jours qui doivent passer sur la terre. D'autres qui doivent passer par la mort. D'accord? D'autres qui sont censés vaincre. D'autres qui fonctionnent sans la puissance, mais qui doivent garder la parole. C'est ce qui est prévu dans la Bible, d'accord, ma soeur? Oh. Mm-hmm. Donc, la période de tribulation concerne les gens qui seront dans une période bien déterminée. La période de grande tribulation, telle qui est prévue dans la Sainte Écriture. D'accord, ma soeur bien-aimée? Alors, les gens qui disent donc que l'Église doit passer par la grande tribulation, ils ont raison. Mais l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Cela voudrait donc dire que Dieu a prévu le nombre de personnes qui vont passer, qui feront partie justement du propos de l'épouse. La sœur Ophélie prend encore et Apocalypse chapitre 6, verset 9 qu'on a lu là tout à l'heure. On va lire quelque chose. Apocalypse 6, verset 9. Mm-hmm. Voilà. Quand j'ai ouvert le cinquième sceau, je suis le père l'âme de ceux qui a mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Continue. Ils crièrent d'une voix forte. Jusqu'à quand, maître saint et coupable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit peu fort. Jusqu'à ce que le nom de leur compagnon de ses fils et de leurs frères et sœurs qui devront être mis à mort comme eux soient au contrôle. Voilà. Donc, vous voyez, même ici, même ceux qui sont prédestinés à la mort, le genre, c'est ceux qui arrivent ici, passent par la mort. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'ils doivent rester calmes jusqu'à ce que le nombre soit complet. Pendant qu'on en est écrit comme ça, ceux qui sont déjà là-bas sur l'autel, il y a d'autres qui vont naître sur la terre et qui plus tard vont les tuer pour qu'ils les complètent là-bas. Mais ceux qui sont sur la terre ne savent pas qu'ils sont programmés à mourir de cette façon-là. C'est ça le vrai problème. Alors, lorsque nous avons à lire la Bible, il faut qu'on fasse attention. Dieu a programmé une catégorie de personnes. La Bible déclare par exemple que il y a des bruits là. La Bible déclare qu'il y a des gens qui doivent passer par des tribulations. Bon appétit. Merci. On appelle ça le sangha. C'est quoi ça? Tu es en train de sangaliser la frère. Frère, tu sangalises. Alors, vous remarquez par exemple dans la Bible, il est dit par exemple que dans le livre de Luc dont tu as cité tout à l'heure là, Jésus notre Seigneur a dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du frère. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. La Bible déclare que le Seigneur dit que Satan a réclamé les disciples, les apôtres, pour les cribler comme du froment. Mais Jésus ne dit pas qu'il a prié pour eux. Il dit qu'il a prié pour lui, pour l'apôtre Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Et il dit que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses qui sont censées arriver à certaines personnes. Dieu dit pour d'autres qui vont pas adorer la bête, ils ne sont pas encore nés. Ils doivent naître pour adorer la bête afin qu'ils soient retranchés et être jetés au feu. C'est choquant, mais c'est la vérité. C'est désagréable. Le bruit là, c'est désagréable. C'est pas d'où ça sort. Alors, il y a des gens qui ne doivent pas être dans le corps de Christ. Des gens qui ne doivent pas être dans l'épouse du Seigneur, l'église épouse. Ceux qui seront dans l'église, qui sont passés par la grande tribulation. D'accord. Voilà. Oui, attends, frère Junior, il y a des gens, il y a un courant de doctrine qui dit que nous sommes à l'église, nous sommes actuellement à l'époque de l'église de Laodicée. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que quel est le mystère, en fait, qui est caché derrière les lettres qui sont envoyées à chaque église et qu'est-ce que ça signifie en réalité en plus? Note cette question-là, pourquoi on développe ça dans un autre enseignement, parce que ce sont les enseignements profonds, d'accord? Pourquoi on va parler de la légitimité de l'être, de la datation de l'être, du choix des noms des destinataires, du choix et de la dislocation des époques, des prophéties concernant les époques et l'esprit des époques. Ce sont des choses qu'il faut voir au moins pendant 4 mois. Ce n'est pas évident, d'accord? Et aussi, vous permettez de noter cette question-là, parce que c'est en fonction de vos questions qu'il peut déployer tout cela. Oui, ma chère? Oui. Je vais la noter. Oui. Maintenant, nous avons aussi le mystère qui est caché derrière le sceau. Parce qu'il y a, voilà, y a le premier six premier sceau et le septième sceau. Oui. Et il y a d'autres qui nous sommes à tel nom, numéro de sceau. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Idem pour cela. Note ça à la suite de cette question-là. Le sceau. Le sceau, ça ne veut pas dire que le sceau qu'on puise l'eau avec, d'accord? Non, je sais. C'est comme une clé, d'accord? Oui. C'est une clé. D'accord. Donc maintenant, ce qui peut glisser pour dire, c'est que en réalité, les prophéties de la Bible, sont scellées, ou bien sont fermées à clé. Et il faut que la personne qui a fermé à clé puisse donner la clé pour ouvrir. Il y a aussi un enseignement que tu nous avais dit de noter et que tu vas nous enseigner ça face à face. Oui. L'enseignement était. Tu vas nous dire, ces personnes-là qui sont peut-être parfois dans notre famille, mais qui ne sont pas de la semence de Dieu. Okay. Tu nous avais dit de côté parce que c'est les questions que tu vas nous regarder dans les yeux avant de nous répondre. Et là, il veut porter les lunettes noires. Comme ça, il te dit par exemple que ton père n'est pas de la bonne semence. Donc, l'occasion est déjà devant nous là. Donc, c'est pour ça que je te prépare déjà pour ça en fait. Combien de fois l'apôtre Paul est allé en Espagne, en Europe là déjà? Des questions? Non, on va parler des sous. Une question. Oui. Frère Gignon. Oui, le frère Olivier. Ouais. C'est comme les autres ont parlé, c'est que je voudrais vous proposer, mais le 6 selon. Parce que vous avez tenu à nous proposer beaucoup de choses. À chaque fois, quand on se retrouve, on essaie de proposer beaucoup de questions et on n'arrive pas à débattre le sujet qu'on a déjà eu à évoquer et puis que vous avez promis. Donc, s'il y a lieu. On peut vraiment avoir le plan de préépuiser vraiment tous ces thèmes comme la sœur vient d'énumérer là. Et comme ça serait mieux. Voilà, je viens aussi pour poser quelques questions. Oui. Aussi faire une proposition avant de poser une question et acheter par quelque chose aussi. Et la première des choses, je voudrais aussi qu'on étudie un peu les paraboles que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, a eu à donner. Pour pouvoir dégager les impacts sur l'Église, le corps de Christ, et un peu différencier par rapport à l'Israël aussi, à l'Israël. Cette promesse, la part de l'Église et la part vraiment d'Israël. Oui, et donc étude des paraboles et les impacts dans l'Église, sur l'Église et sur Israël, oui. En deuxième lieu. Voilà. En deuxième lieu, ma question est de savoir, bon, c'est juste une toute petite question, c'est pas tellement grande. Est-ce que c'est possible que, bon, je veux parler dans un sens vrai, le serviteur, un serviteur religieux, ça veut dire quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, par exemple, comme vous. Est-il possible pour que un enfant ou bien quelqu'un, bon, un enfant, je veux dire un enfant ou bien quelqu'un de simple, qui n'exerce pas le ministère que le ciel n'a pas établi, puisse bénir, est-ce que c'est normal qu'on puisse vraiment le dire que Dieu te bénisse. Allô? Oui, je te suis. Ils sont allés noter. Permets-moi de noter. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible pour de bénir un serviteur de Dieu ou de bénir quelqu'un que Dieu a établi? Bon, pour nous, simple, pour dire que le Seigneur te bénisse. Est-ce que, parce qu'on a tendance de dire, moi, si c'est bon, voilà, on puisse vraiment prouver à la lumière des Écritures. Si c'est pas bon aussi, on peut aussi le bas. Voilà, là, je vous ai écrit sur votre, comment on appelle, sur votre compte Inbox. Oui. Vous avez eu à lire ça. Il ne pense pas avoir lu quelque chose. Parce que comme depuis, on n'est pas dans la lumière, là. Ouais. Je crois que je n'ai pas encore lu. Bon, j'ai quelques mots que moi et mes amis, nous avons eu par révélation. Oui. Bon. D'une manière, c'est pas. Et le mot là, je l'ai noté, il y avait un incendie quand j'exerçais mon travail vers le nord, et ma Bible, tous mes cahiers sont brûlés. et les mots là, quelques deux ou trois mois là, ça venait dans ma pensée. Il y en a dans la tête, mais je n'arrive pas à le sortir, mais j'attends toujours jusqu'à ce que ça vienne. Et à un autre aussi ami qui en a, mais s'il y en a deux mots ici, que si vous pouvez noter, j'ai cherché dans le dictionnaire, mais je n'arrive pas à trouver, même sur l'internet, je n'arrive pas à trouver. Oui. Nelton Dobsky. Tu peux écrire cela. N-E-L-T-O-N. Oui. Dobsky, c'est comme D-O, c'est pareil, c'est différent. D-O-X-K-I. Le deuxième mot, c'est Al-Bohim. Oui. A-L-B-O-H-I-M. A-L-B-O... A-L-H-I-M. Al-Bohim. L'autre, c'est Nelton Dobsky. En un seul mot. N... Non, séparé. N-E-L-T-O-N. Deuxième mot, Dobsky. Ça y est, c'est comme si... C'est comme... Voilà, c'est comme... comment je peux dire? C'est comme Saria dit là. Ce n'est pas un mot collé, c'est deux mots différents. Oui. Et le deuxième maintenant? Et c'est 1.1, mais le deuxième maintenant, c'est Al-Bohim. Mm-hmm. Et tu partais chercher ça dans le dictionnaire, tu pensais que tu devais l'avoir, frère? Oui. Mais tu n'as vu que dalle, n'est-ce pas? Non, je n'ai trouvé que dalle, même sur l'autre, comment on appelle? À ma part, j'ai cherché même dans l'autre. Attends, tu as eu cette dénonce étant où dans ton pays? Ouais, le premier, je l'ai vu dans mon pays. Pour moi, je l'ai vu dans mon pays. Pour moi, là, que c'est égaré. Ça, c'est pour mon ami, mon compagnon de la foi. Oui. Lui, il a eu ça quand il a étudié l'an dernier. C'est l'an dernier seulement, il a eu ça au Cameroun quand il faisait les études. Il étudiait à Gandré. Oui. Donc, il a eu ça l'an dernier. Et l'autre ami aussi a eu, ça fait déjà, je crois que peut-être 2000 quelques comme ça, 2000. Donc vous avez un nombre de trois qui avaient eu des noms comme ça dans les révélations. Oui. Et vous avez cherché à savoir de quoi il est question, vous n'avez pas pu. Oui, on n'a pas pu. Celui-ci qui a eu cela dans Gandere, je rappelle que Gandere c'est dans la Damawa, la région de la Damawa, auprès du nord du Cameroun, dans la Damawa. Ouais. À l'université. Ouais. Ouais. Oui. Alors, ça c'est pour lui ici. Mais oui. Pour moi, ça me vient dans l'esprit, mais je n'arrive pas à le retrouver parce que ça fait je l'ai oublié même ça presque longtemps, mais presque deux mois là, ça me revenait dans la tête. Ça me revenait dans la tête. Donc, et ça venait dans mon esprit. Donc l'esprit qui a frappé, ça t'a frappé alors. Ouais, je sais pas. Et puis, j'ai le cherché, mais je donnais quand même à mon ami là, mon ami, il m'a pas encore de, il m'avait donné pour lui, mais je n'ai pas retenu. Je l'ai aussi partagé ma part. Il, certainement qu'il a retenu, donc je vais essayer de le contacter et puis je vais prendre. Mais pour moi, j'aurai certainement dans l'un de mes documents, comme je suis ici en Chine, je n'ai pas mes documents. Donc c'est ça qui me vient au cœur. On a cherché dans le dictionnaire, ça ne passe pas. J'ai essayé sur le net, ça ne marche pas. Dieu vous donne quelque chose, vous allez continuer sur le net. Lorsque vous avez des songes, vous ne comprenez pas comment, bibliquement parlant, qu'est-ce qui doit amener l'explication? L'explication. Quand vous avez des songes, bibliquement, et que vous ne parvenez pas à comprendre ce que le songe veut signifier, comment on doit avoir, quelles sont les méthodes d'interprétation pour pouvoir comprendre ces songes-là? Comment on doit faire? Bon, quelquefois le ciel, moi, quelquefois le ciel me fait grâce. Il y a certains songes que je peux recevoir et les explications. Il y a certains que je ne peux pas le recevoir, mais quand la réalisation viendra, quelque chose va monter dans mon cœur et ramener le songe, me dit que voilà le sens du songe. Voilà le songe, c'est passé. Voilà, j'aurai quelque chose qui va passer dans mon cœur, un message dans mon cœur. La compréhension, ça veut dire une compréhension. Que voilà, la chose peut. Je peux avoir le songe pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quand là, je vais m'oublier. Mais quand la scène va avoir lieu, je vais, comment on appelle, quelque chose va amener le songe là et puis ça va revenir dans mon esprit. Ok. Puisque celui-ci est fait de l'an dernier, ça m'a attendu au moins 5 ans, non? Le procédure que vous demandez, quelquefois, j'ai pris pour demander le songe, mais je ne me donne pas, je ne me mets pas au fond sérieusement, sincèrement pour pour avoir le son. C'est ça seulement Dieu. C'est, de ce côté, vraiment, il a la distraction aussi. Comment l'appeler? Je peux appeler la distraction, mais la négligence autant moi. Voilà. Et donc, le frère a fait son meilleur coup pas maintenant, c'est bon. Donc, il a compris qu'il est distrait sur WhatsApp, quoi. Frère Junior. Attendez. Il y a le cas de Nelton et Dorsky ici, là, et Albohim. Oui. Bon, je crois que qui voulait parler, parlez alors une fois avant de fermer le micro. Bienvenue à la soeur Ketia. Shalom. Désolée, j'étais avec mes parents en fait. Du coup, je ne pouvais pas me libérer. Quand les parents, tes parents vont t'attraper, tu vas dire qu'ils te demandent de porter les longues robes là. Comment? Non, il disait bonsoir et bienvenue à la France de la Sainteté, ma soeur. Ah oui. Oui, quelqu'un avait dit que souvent qu'on ne parle avec le frère, le cas de frère Olivier. Quelqu'un voulait parler tout à l'heure là. Quelqu'un, il y a une femme qui voulait parler. Oui, frère Junior, c'est moi, la soeur Laetitia. Oui. Non, je voulais savoir en fait, ça, c'est un peu sur la même question, la même préoccupation que le frère Olivier. Je voulais savoir en fait. Comment justement se porter. Moi, c'est dans. Il y a les songes, mais surtout, je ne sais pas comment appeler ça, comme des flashs, c'est-à-dire. Je peux avoir un flash, mais je n'y comprends rien du tout. C'est-à-dire, je vais voir une personne que je ne connais pas dans un endroit que je ne connais pas, et je suis perdue, je ne sais comment me comporter. Il s'agit. Enfin, je ne sais même pas. Voilà. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Explique d'abord bien pourquoi c'est ce que tu viens de lui dire. Lorsque tu as parlé de flash, d'abord tu as l'appareil photo. Quand je dis flash, je veux dire une vision. Oui. Je ne sais pas si c'est ça même des visions. Je ne sais pas si on appelle ça vision. C'est-à-dire, je vais être là, je peux fermer les yeux juste comme ça, et quand je vais fermer les yeux, je vais avoir une image. C'est-à-dire, mais je vais voir. Souvent, c'est des gens que je ne connais même pas. Dans un endroit que je ne connais pas. Souvent, c'est des gens que je connais, mais dans un endroit, je ne comprends pas, en fait. Souvent même, bien souvent même, c'est des gens que je connais, mais dans un endroit, enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. Et la question maintenant, c'est quoi? Mais comment se comporter? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que moi, je ne comprends pas. Je demande au Seigneur, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le message? Surtout pour les personnes que je ne connais pas, là, en fait. S'il y a un message, je fais comment? Je ne comprends pas. C'est Laetitia. Oui, mon frère. Est-ce que c'est toi qui fais que les flashs viennent? Non, non. Et quand ça vient, après ça, as-tu peur? Non, j'ai peur quand c'est des flashs où je vois des choses qui ne sont pas bien, des choses mauvaises. Donc, si c'était toi à qui on avait demandé d'écrire le livre. Non, j'avais pas peur. Si à comment? Toi on avait donné la révélation pour Apocalypse, tu ne remets jamais le transcrit, ça quoi. Parce que c'est mauvais, n'est-ce pas? Jusqu'ici, honnêtement, je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai vu dans un flash, dans une vision, je n'ai jamais dit à quelqu'un jusqu'ici, en toute honnêteté. Mais ça te ronge quand tu as ces images là, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup. Non, ça montre clairement que le Saint-Esprit a l'œuvre parce qu'il a dit qu'au dernier, je verserai mon esprit, vous touchez vos fils et vos filles, prophétisez, vos juges auront des visions, les vieillards auront des songes. D'accord? Donc, laissez le Saint-Esprit parfait cela, laissez tout simplement le Saint-Esprit parfait cela. Si Dieu veut transmettre un message et qu'il veut que vous compreniez, il le dira et il le fera que vous compreniez. Si vous avez les messages, vous ne parvenez pas à comprendre, ça vous tracasse, restez seulement tranquille devant sa face parce que c'est lui qui a décidé. C'est pour ça que parce que vous n'avez pas initié la vision, vous n'avez pas initié les flashs. Si vous n'avez pas initié, restez tranquille. La personne qui l'a initié va vous faire comprendre. Tôt ou tard, d'accord? Amen. Il peut avancer maintenant, mais le frère Olivier. Oui, mon frère, oui, oui. Oui, mon frère, je suis là. Voilà. Frère Olivier, tu as peur. J'ai une question. Oui. Oui, en fait, ma question, c'est justement, c'est discuter avec mon épouse, c'était il y a 2 ou 3 jours. Je lui disais que on ne devient pas enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Et on disait justement que c'est quoi alors le rôle de la nouvelle naissance et autres, justement. Elle n'arrivait pas à comprendre. Parce que j'ai pris, par exemple, la parabole du... comment on appelle ça ? Du fils prodigue, justement, pour lui expliquer que quand le fils prodigue, lui, il va dehors, quand il se roule dans la boue, il fait tout le désordre qu'il fait, ce n'est pas ça au moment qu'il devient enfant de son père. Il est déjà enfant de son père. Donc, quoi qu'il fasse, il est enfant de son père. Il prend juste conscience à un moment donné qu'il met. Tu peux rentrer dans la maison de mon père et vivre, même si c'est avec les en travaillant et tout, mais quand il rentre, on peut lui dire non. Tu as été enfant, tu es toujours mon enfant. Donc, il le rétablit juste dans sa fonction. Donc, en fait, nous, on ne se transforme pas en enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Donc, elle avait une question, elle n'arrivait pas à comprendre à quoi alors c'est la nouvelle naissance, en fait. Justement, c'est ça. Jean, chapitre 11. Jean, le chapitre 11. Souvenez-vous du frère Olivier qui a posé la question par rapport à la bénédiction là. Vous êtes dans Jean chapitre 11. Oui, Jean. Oui, frère. Verset 45, lisons. Verset 45, donc Jean chapitre 11, verset 45, je dis au nom de Jésus. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus crut en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Stop. Vous avez entendu? C'était afin de quoi? Réunis en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 seulement. Le verset 13 seulement. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, maintenant, à la réponse à ta question, dans ce cas, quel est le rôle de la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la Bible répond? C'est pour réunir tous en un seul corps. Exactement, c'est la réponse d'abord. On ne réunit pas dans un corps pour qu'ils deviennent les enfants de Dieu. On a bien dit de réunir les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui sont dispersés. On les réunit. Donc, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance est faite pour les rassembler. Voilà, je crois que c'est bon, n'est-ce pas? Je crois que la connexion dérange. J'ai compris que on est enfant de Dieu, puisque c'est la prédestination. On ne peut pas naître autrement. On ne peut pas naître autrement, n'est-ce pas? Je suis d'accord, frère. Maintenant, mon incompréhension se situe au niveau où Jésus lui-même dit que c'est au moment de la nouvelle naissance que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, en fait, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'on vous a fait comprendre. Jean chapitre 1, lisons. Verset 1, verset 11, 12 et 13. Jean chapitre 1, verset 11, 12 et 13. C'est là-bas, ça se trouve. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, mais tu dis bien, elle a donné le pouvoir de devenir un homme de Dieu, c'est ça. On y va. Elle est couple là, le couple. Je continue, frère. Non, non, c'est là où ça se trouve, n'est-ce pas? C'est là où on a écrit, lesquels sont nés, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De enfant de Dieu, oui. Voilà. Maintenant, le grec du romaï qui est écrit ici par devenir, ça veut dire commencer à être. D'accord? Maintenant, si vous êtes dans les enseignements, par exemple, j'explique, ou bien encore, l'apôtre Paul a expliqué dans Galates chapitre 4, que tant que nous sommes au niveau de l'enfant, on ne diffère en rien de l'esclave. D'accord? Mais lorsqu'on est fils, au niveau des fils, on peut connaître maintenant que l'administration des biens nous est donnée. Pas vrai? Alors, lorsque un enfant a un héritage, comme il dit souvent dans les enseignements, votre papa en mourant vous laisse un héritage et il écrit que c'est vous qui va, vous allez hériter telle ou telle chose. En tout temps, vous n'avez pas l'âge majeur pour pouvoir diriger toutes ces choses-là. On vous met dans un sous administration. Et cette administration-là, c'est la personne qui administre, qui peut vous faire n'importe quoi s'il le veut, à n'importe quel moment. Maintenant, vous êtes l'administrateur de biens, oui ou non? Vous, en tout cas, vous êtes héritier, oui ou non? Oui. Mais oui, l'administration ne vous est pas donnée parce que vous n'avez pas encore la capacité, ou mieux encore même la connaissance même de cela. Mais le jour où vous avez votre majorité, c'est pas, en France, c'est 21 ans ou c'est 18 ans ou c'est n'importe quoi. À cet instant-là, vous commencez à entrer dans votre héritage. Mais vous étiez héritier quand même depuis. Mais vous étiez sous administration. D'accord? Alors, la Bible déclare donc qu'elle est venue chez les siens. Les siens, c'est qui? Les Juifs. Comment ils sont siens? Parce que c'est le peuple duquel descend Jésus. Pardon? C'est parce que c'est le peuple à laquelle... La parole était destinée. Jésus. Et en vertu du fait qu'ils sont les siens, parce qu'on a lu tout à l'heure que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et on avait vu que ce ne sont pas les enfants nés naturellement qui sont les enfants de la promesse, n'est-ce pas? On a lu ça aujourd'hui dans le livre des Romains, non? Exactement. Donc vous voyez une fois de plus ici, on en est parlé de l'aveuglement d'Israël qui appartient à Dieu. On dit de non point reçu parce que c'est lui qui a aveuglé. C'est comme si on en est d'accuser les gens qu'ils sont venus chez les gens ont refusé de le reconnaître. Et maintenant, comme il a donné l'opportunité, maintenant, comme on n'a pas reconnu, il a donné l'opportunité maintenant aux autres de le reconnaître pour devenir aussi enfant. Un peu comme les Juifs ont refusé, alors que c'est lui qui les a aveuglés. Pas vrai? Donc vous voyez, une fois de plus ici, on parle de la chute d'Israël et l'intégration des païens ici. Donc ça veut dire que les païens ont initialement été éloigné de Dieu à cause des alliances. Maintenant, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Amen. Donc, les païens ont initialement été ennemis de Dieu à cause de la loi de nous aux Juifs. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus en venant, il aveugle ces Juifs-là pour pouvoir se révéler maintenant aux nations, afin que les nations aussi commencent à exercer le droit de naître comme étant les enfants de Dieu. Donc c'est ça le mot devenir, la compréhension du mot devenir dans ces versets. Le mot devenir, vous savez pas dire que maintenant, désormais, à partir de maintenant, je suis enfant de Dieu maintenant, au sens comme si tu as un commencement. Non. C'est au sens du début de l'entrée dans l'héritage de ce que tu étais déjà. D'accord? C'est ce que Guiromain l'avait dit. D'accord, mes chers frères? Alors. Comment, mon frère? C'est qu'on révèle l'identité de la personne, en fait. Exactement. En fait, plus qu'en réalité, remarquez très attentivement. Dans le livre de Matthieu, Jean-Luc 17, que le frère a pris là pour expliquer à sa femme, il dit, ce garçon-ci, malgré qu'il était dans la boue, était enfant de son papa là qui est riche. Mais on dit revenir en lui-même. Il revient, mais je connais mon identité. Quand il part par là-bas, il peut devenir l'enfant de ce monsieur-là. Il dit que je suis ton enfant. D'accord, frère? D'accord. Voilà. Alors, je peux parler maintenant de par rapport au frère Olivier. Oui, frère, moi, ça m'intéresse. J'avais. Bon, je n'ai pas parlé. Attendez la question. Le frère, on va d'abord répondre au frère Olivier. Oui. Non, juste après, au fait. Bon, je voulais poser une question. Oui, frère. Après. Frère Emmanuel, j'arrive. Je ne parle pas de Nelton, Doxy et Alboïm là, parce que ça c'est l'autre là, c'est trivial, c'est évident. Je voulais parler de la proposition d'études sur les paraboles là et l'impact sur l'église. Ça, ce serait bon. Vous voyez effectivement que vous-même pouvez déjà prendre les paraboles, vous les listez, vous lisez les paraboles et puis vous laissez aussi vous guider, vous ressortez ce que ça vous ressort comme ça. Quand on est là, vous posez les questions et on avance dans ce domaine là, n'est-ce pas? Parce que si vous venez, on fait l'étude sans que vous n'ayez lu vous-même, il fait les recherches, on sera en train de vous nourrir, vous allez rendre compte que vous avez le gros ventre et vous êtes sur place. Voilà. La deuxième là qu'il a dit, c'est est-ce possible, si quelqu'un n'est pas appelé enfant de Dieu, enfin de serviteur de Dieu authentique, de bénir. Alors je vais poser la question, si de dire la bénédiction, de former des bénédictions, que Dieu te bénit à cette personne, bien, si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu ou bien serviteur de Dieu, de dire aux gens que je vous bénis, c'est ça dont tu veux parler, le frère Olivier. Le frère Achille, venez fermer votre micro maintenant, pardon. Après, c'est pas la question que le frère Olivier a posée à l'époque. Oui, c'est ça. Non, la question qui rapporte, est-ce qu'un simple chrétien peut dire, peut bénir un serviteur de Dieu? Il arrive, il attend seulement qu'il puisse pas bien parler. Et c'est là. C'est cela. Nombre chapitre 6 d'abord, voyons cela en type dans le livre du Nombre. Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà, la personne qui a une bonne connexion, plus lit le verset 22 et 27 du Nombre, chapitre 6. C'est Nombre 6, hein? Oui. Oui. Verset 21. À partir du verset 21, c'est ça? Oui. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziria. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziria. Outre ce qui lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Naziria. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. Hébreux chapitre 7. Recevez la salutation du frère Yannick, le bagatelle de Paris. À partir de quel verset, Hébreux chapitre 7. À partir de quel verset, frère? Attendez, recevez la salutation du frère Yannick qui est là. Oui, frère Yannick. Oui, frère Yannick. J'espère que tu n'as pas touché un coq là-bas. Et mange tout ça. Verset 6 et 7. Verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredire l'inférieur qu'il est béni par le supérieur. Stoppons là-bas. Et... Non, doucement, attendez. Vous êtes avec moi? Nous sommes avec toi, frère. Oui, le frère Olivier. Frère Olivier, je vais te parler. Shalom, shalom, je suis là. Voilà. Si tu as posé cette question, ça se pose que tu as trouvé une anomalie dedans, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu avais décelé? Parce qu'on veut lire Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. Et nous venons lire Hébreu. Après cela, je vais aller au-delà de ce que tu as posé comme question pour toucher le cadre spirituel. Allons-y, qu'est-ce que tu as voulu déceler comme problème? Allô? Tu m'as suivi, mon frère? Non, pas du tout. La question que j'avais une coupure et moi. Oui, je suis en train de demander si en posant la question, tu avais décelé qu'il y avait quelque chose dans cette façon de faire qu'on a toi à travers à faire là. Ouais. Isoma. Dis-nous ces choses-là. Bon, je ne me sens pas tellement à l'aise dans... même si c'est moi qui l'utilise ou bien les autres personnes qui l'utilisent, je ne me sens pas tellement à l'aise dans ça, quoi. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ou mieux, qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il fallait corriger? Pardon? Qu'est-ce qu'il fallait corriger? Bon, ce qu'il faut corriger, il faut... Bon, pour moi... Pour moi, je ne trouve pas que c'est bien. C'est pas bien. Attends, le frère, il ne veut pas parler aussi comment? En tout cas, je vous écoute quoi. Parlez seulement. Je vous écoute d'abord. Frère Olivier, je vais te demander quel est le problème. Quel est le problème que tu as décelé? C'est ça. Je vais développer ce que tu vas commencer à dire. Je vais développer parce qu'il y a un problème. C'est pour ça que tu as posé la situation. J'ai pris un verset dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Et je vais expliquer le principe. Ouais. Bon. C'est un peu gênant, quoi. C'est un peu gênant. Pour moi, c'est un peu gênant. C'est un peu... Ça ne sonne pas bien, quoi. Ça devait sonner c'est dans ce sens que ça me travaille dans le cœur. Et puis, c'est comme ça que je vois que... Est-ce que les choses ont leur place? Oui. Est-ce que c'est... On est en train... Est-ce que les choses dans l'ordre selon que le Seigneur ou le Saint-Esprit a établi, quoi? Oui. Bon, dans ce sens que je pose. C'est-à-dire... Bon, je crois que... Le frère Olivier vient de tourner autour du pot, c'est parce qu'il ne veut pas avec lui. C'est vrai, d'après ce qu'on vient de dire, voici le frère Christian par exemple. Dieu l'a établi pour comme prédicateur. D'après ce qu'on lui dit, si quelqu'un n'a pas été établi en cette position-là, il ne peut pas dire à frère Christian, mon frère, que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Non, c'est possible qu'on puisse le dire. Mais qu'est-ce que tu demandes donc? En fait, c'est un gênant. Non, Tu te permets de dire au frère Junior que je te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, c'est ça? Oui. Oui, que Dieu te bénisse. Non, pas du tout. Sois béni. Sois béni. Ouais. Mais sois béni de qui? Okay. Juste sois béni. Sois béni, mon frère. Il est béni. Comme le père, il peut être la bénédiction. Parce que soit béni, c'est pas complet. Soit béni de qui? Vous savez, c'est Dieu qui bénit. Toujours, ça se sent pas de la part du Seigneur. Ok. Et qu'est-ce qui a l'air gênant, mon frère? Parce que c'est ça que vous devez savoir. Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Bon. Je trouve, est-ce que pour moi, c'est pas, est-ce que les choses, c'est normal, quoi, un peu dans le sens de la considération, du respect, de la position, vraiment, de quelqu'un que le Seigneur a établi, est-ce que ça me dérange, moi, je le dis, ça me dérange, je ne dis pas que dans le sens du message, moi, personnellement, quoi, dans ce sens. Donc, c'est un problème personnel, alors. Oui. Ça me gêne. On va faire que ça ne te gêne plus maintenant, d'accord, mon frère Olivier. Ok. Tu sais que tu es le Olivier franc, non? Tu es franc dans tes dits, pas vrai? Ouais. Je te pose une question. Est-ce que tu bénis souvent Dieu? Oui, je bénis Dieu. Ça, là. Comment, mon frère? Je bénis Dieu. Ouvre le chapitre 7, verset 7. Oui. Le frère Olivier, lis-moi le verset 7 du chapitre 7 d'Hébreu. Pardon? Le verset 7 d'Hébreu 7, qu'est-ce que ça dit? Lis, et puis je te pose la question. Ok. Or, c'est sans contredit. Est-ce que je sens l'internet? Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà. Donc, et ici. Non, c'est bon. Donc, on dit, et c'est sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Toi, tu dis que tu bénis qui? Le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais donc, quand toi, tu bénis Dieu, là, tu dépasses Dieu, non? D'après ça, d'après cette formule. Je suis l'inférieur. Et donc, ça veut dire... Je suis l'inférieur. Bon, Dieu, la position de Dieu n'a pas... Et d'après la loi spirituelle, qui doit bénir? Dieu. Mais de l'homme... Sur la position d'homme à homme ou bien? Non, on a bien dit que c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est une loi spirituelle, n'est-ce pas, frère? Oui. Est-ce que, frère Olivier, tu peux pas aller mettre ton père quelque part, tu imposes la main pour le bénir? Non. Même si tu es le plus riche du monde, est-ce que tu peux imposer la main sur ton père qui est pauvre au village pour le bénir? Non. Pourquoi? Voilà là. Pourquoi? Parce que la nature ne nous permet pas ça. Ok, maintenant. Est-ce que tu peux bénir dans un ange? Un quoi? Un ange de Dieu. Est-ce que tu peux bénir un ange de Dieu? Un ange. Ange. L'ange comme animal ou bien l'ange? L'ange. Un ange de Dieu, frère. Prends d'abord des gens qui aiment. Je ne sais pas si. Le frère m'entend. Pourtant, une bonne question. On demande si je peux bénir un ange de Dieu. Pas du tout. Pourquoi? Le père de Dieu. La réponse à comment je prends par exemple la. L'ange, je crois, par rapport à comment on appelle la mission de l'ange, la mission d'ange. Son rôle et sa mission, c'est de veiller sur nous, enfants de Dieu. Ok, je pose la question autrement. Est-ce que tu peux bénir un prophète de Dieu? Non, non, non. Pourquoi? Attends. Hein? Pourquoi? Je peux... Oui, d'une manière, je peux bénir. Ah. Ça veut dire que je peux bénir Dieu. Je peux bénir... Pas bénir un prophète de Dieu, mais je peux bénir Dieu à travers ce que Dieu fait dans la vie du prophète. Tu ne peux pas le faire pour l'ange aussi, hein? Hein? Non, non, non, non, l'ange, je ne peux pas le faire. L'ange est comme ça. Pourquoi tu ne peux pas faire? Pourquoi ce que tu fais pour dans la vie du prophète, pourquoi tu ne peux pas faire que wow, le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il a accordée à Gabriel d'aller transmettre le message à Marie? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que c'est un homme. Parce que c'est un homme. Le wow sort d'un homme. Mais l'ange, c'est pas étonnant parce que c'est naturel chez l'ange. Ok. Dans ce cas, pourquoi tu bénis donc Dieu lui-même? Pourquoi et comment tu peux bénir Dieu? Hein? Dans ce cas, pourquoi et comment tu peux bénir Dieu? Je bénis Dieu parce que c'est merveille de Dieu. Je bénis Dieu à travers ces merveilles. C'est l'étonnement que Dieu crée toujours dans ma vie. Il continue c'est dans ce sens que je bénis Dieu. Est-ce que vous avez reçu les questions que je viens de poser? Les questions que je viens de poser parce qu'il vient rentrer dans la Bible là maintenant. Alors, le verset 7 du chapitre 7 dit oh, et sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus petit qui est béni par le plus grand. Ok. Maintenant, si on prend le rapport entre l'homme et et Dieu, qui est grand, qui est petit? L'homme est petit, Dieu est grand. Vous avez moi. En fait, frère, moi je. Ah, oui, frère Junior. Oui. Je comprends. Moi, je ne. En fait, je comprends ce que tu es en train d'expliquer, mais dans les psaumes, à plusieurs reprises, on voit comment le roi David... Ne t'inquiète pas, je sais que tous ces versets, tous les passages qui concernent, là, je connais. J'ai soif de vouloir titiller quelque chose en vous, jusqu'à ce que qu'on soit avant d'entrer là-bas. N'allez pas dans les psaumes, parce que vous allez dans les psaumes, vous ne savez pas qui est en train de parler, même d'abord pour commencer. Donc laissez David tranquillement en dehors de cela. C'est la soeur Laetitia. Voilà. D'accord. Non, il sait que c'est la soeur Laetitia. Il dit que laissez David d'abord en dehors de cela. N'allez pas mêler David dans le problème avec Dieu, parce que David n'a pas dit cela. Alors la question que je vais nous poser, c'est dans la Bible, dans Hébreux chapitre 16, verset 16, on dit c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire sur le plan spirituel? Que c'est celui qui est grand spirituellement qui bénit celui qui est petit. Okay. Parce qu'il y a une autre hiérarchie. Voilà. Et frère, je voulais aussi dire que la façon qu'on nous dit bénit Dieu, c'est rendre grâce à Dieu pour ses merveilles et non. Non, ne t'inquiète pas, j'arrive. Quand je suis pas avec le catholique, il dit que non, il n'adore pas Marie, il vénère. D'accord? J'arrive. Je peux parler? La soeur Catherine. Hello, Catherine, n'adore pas. Voilà, merci. Alors, regardez bien encore. Et c'est sans qu'on te dise l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alors, le frère Olivier dit qu'il ne peut pas bénir son papa. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? C'est-à-dire que de mettre la main sur ton père comme ça et prier en disant, en bénissant votre père, de lui transmettre des bénédictions. Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'il est supérieur à moi. C'est lui qui m'a mis au monde. Mmh. Ok. Pour le prophète, est-ce que tu peux le faire? Vous ne me répondez pas. Vous êtes fatigué? Non, non. Non, non, frère. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Non, frère, non. Non, parce que la question est adressée à quelqu'un particulièrement. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec la question qui est posée. Oui. Parce que la question est adressée particulièrement à... Il dit que c'est de manière personnelle que ça me dérange. Le frère Olivier est derrière dans l'angoisse. Aidez-le. Je pose la question, mais je pose la question à tout le monde. Est-ce que vous qui m'écoutez, vous pouvez bénir un prophète de Dieu? Bien sûr. On peut dire que Dieu le bénit. Ouais. On peut me bénir. On peut bénir. On peut bénir un prophète. Je peux bénir un prophète. Frère Christian, merci de venir. Est-ce que tu peux bénir ton père, toi? Oui, mon frère, je peux bénir mon père. Je veux donc que tu expliques le verset 7 du chapitre 7 d'Hébreux. Ici, là, ça parle de manière spirituelle. Quand tu bénis comment? Hein? Quand tu bénis comment? On bénit spirituellement. Ici, là, particulièrement, le verset 7 peut nous faire comprendre ici que, sans qu'on te dise, c'est le moindre qui est béni par le plus. Par celui qui est plus, plus excellent. Ici, là, quand on parle d'excellence, c'est particulier, c'est quelque chose qui n'est que réservé à Dieu. L'excellence n'est que de Dieu, non, frère. Ok, bon, là, dans ce chapitre 7, je vais vous. Attends. Je ne vous vois plus, je ne vois plus de vos vidéos, je ne sais pas où vous êtes parti. Ah oui, le frère Pierre veut parler. Oui, je pense que c'est le Saint-Esprit qui révèle à la personne dans le concept du chapitre 7 là. Oui. Comment bénir l'autre. Bon, il est question dans le chapitre 7. Si on ne peut pas savoir dans par rapport à ce chapitre. Qui est grand en fait, parce que c'est une question spirituelle. Ok, donc on va aller, on attend doucement. Dans le chapitre 17, on parle de qui et de qui. Il y a deux personnages dont on parle. On parle de qui et de qui. Abraham et le Lévite et le sacrificateur. Non, regardez bien. Il y a deux personnages. Qui? Le Melchisédek et l'Abraham. C'est les deux personnages dont on parle là-bas. Et la Bible nous déclare ici clairement, au verset 4, 5, 6 et 7, la Bible déclare qu'il a reçu d'Abraham la dîme de tout et il a béni Abraham qui avait les promesses. Or, sur la terre, de façon humaine, qui était supérieur aux hommes sur la terre à ce moment-là? C'est ce même. Mais c'est un terrestre. Non, c'est Abraham. Donc, ça veut dire que si quelqu'un voulait donner un sacrifice à Dieu, il devait passer par qui? Abraham. Voilà. Donc, ça veut dire que sur le rapport humain, Abraham était plus grand que tout n'importe qui, pas vrai? Maintenant, la Bible nous explique donc ici que si Abraham a donné, est allé se courber à Melchizedek, devant Melchizedek, au point que Melchizedek l'est béni, vous devez comprendre. La Bible déclare, regardez bien, regardez, il faut qu'on regarde, verset 4, lisez le verset 4, regardez bien. Considérez comment est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc on voit, on montre clairement sa grandeur, la grandeur de ce personnage-là. Pour montrer que cette personne était supérieure de loin à Abraham. Parce qu'on dit de lui qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement des jours, ni fin de vie. Pas vrai? Tout à fait. Et c'est dans cet ordre de grandeur qu'on a dit que si ce personnage est allé jusqu'à bénir Abraham, et puis on établit, on explique donc que c'est une loi spirituelle, que ça ne peut pas être contredit, que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. On parle là pour montrer qu'Abraham était inférieur à lui. Pas vrai? Tout à fait. Okay, c'est ça. Voilà. Donc d'après ce passage-ci, c'est seulement quelqu'un de supérieur qui peut bénir quelqu'un d'inférieur. Mmh. N'est-ce pas, mon frère? Mmh. Oui. Regardez maintenant, si vous avez lu ensemble le livre des Nombres, chapitre 6, verset 22 à 27, que je vous ai donné. Vous allez regarder sous ce rapport, vous allez remarquer qu'il y avait un souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron qui a été établi. Et avec Moïse, et Dieu dit à Aaron et à Moïse que voici comment vous allez faire pour bénir le peuple pour que mon blessure soit celui. C'est pas le peuple, c'est pas au peuple de les bénir, c'est eux au béni du peuple. Il dit qu'en faisant cela, le supérieur place son nom sur le peuple. C'est ce qu'on a lu, non? Tout à fait. Il dit voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel souffre et fasse grâce, qu'il fasse lui ta face au-dessus de toi. Et en faisant comme ça, vous placerez mon nom au-dessus de Dieu, je les bénirai parce que c'est lui qui est le porteur des bénédictions, la source hiérarchique des bénédictions. Tout à fait. Alors frère Christian, dis-moi comment tu vas faire pour bénir ton père. Apocalypse chapitre 1. Oui. On va lire le verset. On va lire le verset. Il a fait de nous un royaume de. Le verset 6. Il a fait de nous quoi? Il a fait de nous Abraham des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen. Alors mon frère Christian, c'est ça que tu veux prendre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça que je prends pour. Et je te pose donc la question, si ton père aussi sacrificateur en tant que chrétien, quel rôle auras-tu? Ah. Si ton père aussi est un chrétien. Et il est ton père. Tu prends encore quel verset? Si le chrétien est aussi sacrificateur, non? Oui. Puisque la Bible nous demande de prier les uns pour les autres, non? Non, on ne parle pas de prier. On dit, est-ce que tu as le droit de bénir? Parce que la Bible déclare sans contredit. On dit qu'il n'y a pas de contradiction. On ne peut pas avoir de contradiction. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Tu es chrétien, ton père est chrétien. Y a-t-il un plus grand que entre vous? S'il y a un grand oui ou non? Il n'y a plus un qui est plus, on a reçu le même esprit. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas te lever devant le cheval blanc de ton père. Pardon? Ça veut dire que ton père, maintenant tu peux l'appeler petit frère. Comment tu vas? Non, je l'appelle, il est mon père. Il est mon père sur le plan physique. Oui. Mais si on pense spirituel, on a un seul père. Écoutez très attentivement maintenant. L'autorité parentale brise les barrières chrétiennes. Ah bon? Absolument. Parce que le titre père est venu avant la grâce. Vous savez cela? Oui. Le titre père. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi je ne vous vois pas. Il faut que vous avez dit que je parle, non? Oui, parle. Ok. Parle. Regardez bien dans la Bible. Romain, pardon? Tu vois? Il ne voit plus, il ne voit plus. Le frère Olivier, d'un fermer ton micro, ça ne fait que ouvrir, ça fait de bruit là. Écoutez très attentivement. Le titre de Père, quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu avec le titre de Père. Père, qu'il te connaisse. Quand vous priez notre Père qui est aussi, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est le plus grand titre de Dieu là-bas, pas vrai? Tout à fait. Ok. Maintenant, souvenez-vous donc de Éphésiens chapitre 6, verset 1 et 2. par rapport aux enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il parle comme ça aux enfants chrétiens particulièrement, pas vrai? Quoique la connexion la dérange, je vais observer des choses ici. Ah, c'est pas vrai ça. Quoique la connexion doit être finie. Ça s'est rétabli, n'est-ce pas? Bon, écoutez, bon, je crois que il ferait mieux de dire ça rapidement. Il y a des choses que vous devez comprendre que la vie chrétienne ou bien l'onction chrétienne ne peuvent pas briser. Le droit de naissance transcende les barrières chrétiennes. Vous saviez cela? Oui, ça, on le sait. On le sait. Ok. Ben, si le droit de naissance, donc, puisque vous savez, ça fait le régiment du ventre, transcende les barrières chrétiennes, à combien de raison donner le droit maintenant d'onction en tant que titre? Les droits parentaux, le droit de l'autorité. Quand la Bible déclare qu'enfant, que chacun de vous soit soumis à toute autorité établie parmi les hommes. Quand il parle aux chrétiens comme ça, là, l'autorité parentale n'était pas une autorité établie parmi les hommes. Vous m'entendez? Ouais. L'autorité parentale est-elle une autorité établie parmi les hommes? Elle n'est pas établie par Dieu, frère. Je pose la question. Parmi les autorités. Il demande, est-ce que la Bible déclare dans le livre de Tite au chapitre 3, verset 1, 1 Pierre chapitre 5, la Bible déclare qu'on soit soumis à toute autorité établie parmi les hommes. Est-ce que l'autorité parentale n'est pas une autorité établie parmi les hommes? Elle fait partie des autorités établies. Ok. Le mari en tant que chef de la femme, est-ce que c'est dans le cadre du chrétien seulement? Non, est une autorité universelle. Écoutez, donc tout ce que j'en ai cité là-bas ressort du gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu est supérieur à sa loi et supérieur à la grâce. C'est ça dont c'est les questions que j'en ai dit. C'est pour ça qu'il dit, quand il parle de que ça brise les barrières chrétiennes, ça suppose donc que si vous regardez sur le plan hiérarchique ou mieux sur la forme des relations avec les attributs, l'attribut des autorités au-dessus sont dans le domaine du gouvernement du Seigneur et par conséquent transcendent les barrières chrétiennes. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Regardez quand l'ange vient, il vient dire à Corneille, il demande d'envoyer à Joppé, envoyer un ange pour qu'on puisse appeler Corneille. Il envoie des gens, il ne dit pas à Corneille, l'ange ne dit pas que à Corneille que va à Joppé appeler. Il ne parle pas lui ça parce que c'est que Corneille c'est une autorité qui est censée donner des ordres. Quand vous lisez ces choses là, sur les aspects de l'autorité que la Bible présente, quand l'ange vient, il sait que Corneille c'est un capitaine de l'armée. Vous vous souvenez de cet homme-là qui était venu avec Jésus, il a dit, je sais que tu es une autorité supérieure parce que j'ai aussi des autorités sous moi. J'ai dit, Alain, va et va. Mais il a reconnu que Jésus était d'une autorité supérieure, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut faire attention. Amen. Alors, dans le gouvernement de Dieu, les autorités se trouvent incrustées dans son autorité, dans son gouvernement. Dans son gouvernement. Donc, cette autorité-là existe. C'est pour ça que ce principe du gouvernement existe bien avant les chrétiens. Et par conséquent, a les droits de naître sur les chrétiens. Donc, le fait que tu sois chrétien ne fait pas de temps que tu puisses désobéir à ton père ou bien que tu puisses montrer effectivement que tu es supérieur ou bien que tu es supérieur à lui. Quel qu'en soit, que tu sois chrétien et que ton papa est païen et même sorcier, ton père a de l'autorité sur toi en tant qu'être parce qu'il est dans le gouvernement de Dieu en tant que. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Amen. En tant que droit spirituel maintenant, parce que cette fois-ci maintenant, l'esprit qui l'anime est ton ennemi. Vous comprenez maintenant? L'esprit qui t'anime est ton ennemi. Mais la Bible déclare que comme bénit les ennemis, on ne les maudit pas. Maudit pas ton ennemi. Voilà. Bénis-le. Mais remarquez bien la différence que c'est l'esprit qui anime ton père qui est ton ennemi, pas ton père. Non. Voilà. Cela étant, je repose encore la question que j'ai posée aussi. Est-ce que vous avez le droit de bénir votre parent? Non, frère. Avez-vous le droit de bénir? Est-ce que vous avez un droit spirituel de bénir un prophète de Dieu? Non. Non, non. Maintenant, je vous cite un prenons le livre de Jacques là, Jacques, chapitre 3. Frère. Oui. Frère. Oui. Avant qu'on avance. Donc, elle disait que, donc, en tant qu'enfant, je ne peux pas dire que Dieu bénisse mon père. En fait, c'est ce que je voulais dire. En fait, je ne peux pas dire en tant qu'enfant que Dieu bénisse mon père. Non, tu as dit que Dieu bénisse mon père est différent. Je rectifie en disant que moi, là, c'était dans le sens que. En fait, c'était dans le sens de dire que Dieu bénisse mon père. Tu vois? Oui. Bon, regardez, n'est-ce pas? Frère Christian, il va avancer la chose. Si ton père veut te bénir, il t'appellera, il te dira de te mettre à genoux, par exemple, te mettre la main sur toi pour parler des paroles de bénédiction sur toi, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il ce qu'il fait là, tu peux lui faire ça en tant que chrétien, même si tu es chrétien? Non, je ne pense pas, non, non. Voilà, non, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même, c'est un peu comme quand tu es devant un papa qui est. Quand tu rencontres un papa, automatiquement, si tu as le chapeau, tu lui parles en enlevant le chapeau. Pas vrai? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ces choses-là sont l'autorité spirituelle. Vous voyez? L'apôtre Paul, malgré qu'il était dans son droit spirituel de faire n'importe quoi, parce que Dieu lui avait donné la terre des nations pour prédication, pour lumière. Mais quand il était devant le Sanhédrin, quand il a parlé, on a giflé, pam! Il a dit, ah, je ne savais pas que c'était le fils de Sodome. Il dit que tombeau blanche, tu es assis pour me juger, pour juger, et tu blasphèmes contre la loi. On a dit que mince, on a giflé en disant que tu oses parler comme ça au souverain sacrificateur. Il dit que je ne savais pas que ce fils de Sodome est souverain sacrificateur. Et il a cité la loi, quand il a dit que tu ne parleras pas contre le chef de ton peuple. L'apôtre Paul connaissait la loi, vous voyez cela, n'est-ce pas? L'autorité. Pourtant, cela était dans le faux. Mais l'apôtre Paul a compris effectivement que c'est l'autorité. Il faut que c'est soumettre. Amen. Comme ça là. Amen. D'accord, frère? Amen. Je crois qu'on va venir sur l'enseignement de l'autorité. Parce que quand c'est écrit dans la Bible, il dit que les jeunes parmi vous soient soumis aux autorités. Quoique c'est un autre enseignement qu'il faut noter qu'on en parle, l'autorité. Comme ça, on montre les différents niveaux de l'autorité et en quel moment donné le chrétien ne doit pas se soumettre aux autorités. D'accord? Amen. Comme ça, on touche l'autorité parentale, l'autorité ecclésiastique, l'autorité spirituelle, les autorités dans le foyer, ainsi de suite, dans chaque domaine de l'autorité. On avance. Jacques, dans chapitre 3. Ça va aussi, le frère, Pierre dit quoi? C'est rien. Il dit qu'il réfléchit sur ton sanglier. Non, non, dis-lui qu'il ne pense même pas ça, qu'il ne rêve même pas. Qui s'y voit le rêve, même dans le songe, qu'il ne mange pas ça. On avance. J'ai fini de manger seulement les miettes, mon frère, qui donne mes pâtes. Moi, j'ai. Alors, lisons les versets 5 au verset 9. Au verset 10, 5 à 10. De même. Oui. De même, la langue est un petit membre et elle se vend des grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps, le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la Guéhenne, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de vin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. On dit que par la même bouche, on fait quoi? On bénit et on maudit. On maudit. On bénit d'abord quoi? On bénit le Seigneur. Oui. On bénit le Seigneur. Ce n'est pas seulement le Seigneur qui écrit là-bas. Comment vous avez la Bible devant de vous, vous ne lisez pas. Regardez bien ce qui est écrit. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Voilà, écrivez ce que nos grands frères ont écrit. C'est exprès qu'ils ont mis cela. Il n'a pas seulement dit le Seigneur. Il dit le Seigneur, notre Père. Maintenant, souvenons-vous, puisque les livres sont proches, souvenons-nous dans le chapitre 7. Et c'est là qu'on va me rejoindre. Maintenant, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ces choses-ci avant qu'on commence à aller dans la Bible, dans le livre de Daniel, dans le livre des prophètes, et ainsi de suite, pour que vous voyez ce qu'il en était par rapport à toutes ces choses-là, des bénédictions qu'on trouvait dans le livre des psaumes, dont la sœur de Tissa parlait tout à l'heure. Maintenant, Ici, nous voyons dans le livre d'Hébreux que au verset 7 du chapitre 7, il est dit que c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et si l'apôtre Jacques semble nous dire que par notre langue nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas? Notre Père. Et par cette bouche-là, nous maudissons les enfants faits à l'image de ce même Dieu-là. Pas vrai? Mm-hmm. Ok. Je peux maintenant parler? Parle, tu vois. Dans le livre des Philippiens, notez cela. Dans le livre des Philippiens, chapitre 3, verset 2 et 3. Je crois que, lisez. Ça fait 6 heures de temps que nous sommes en train de travailler dans les deux parties ici. 6 heures de temps. Que Dieu vous bénisse. Ça, il faut le faire. Il faut aimer le Seigneur pour passer du temps comme ça, là, comme Catherine. Rester sur place comme ça un dimanche sans vouloir sortir. N'est-ce pas, la sœur Catherine? Philippiens chapitre 3, verset 2 et 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà. La circoncision, gardez-vous à l'esprit que l'apôtre Jean a dit que la langue là, aucun homme ne peut le dompter. N'est-ce pas? Je ne sais pas s'il peut finir cela aujourd'hui. Il veut tenter sur un terrain là, il veut toucher un terrain, mais ça ne va pas. Je vais mettre pause quelque part pour avancer, pour que vous reposiez. Ouvrez un pied, je vais vous montrer quelque chose. Gardez-vous à l'esprit ce qu'on a lu dans le livre de Jacques, chapitre 3. 1 Pierre. Vous y êtes? Oui, quel chapitre? Chapitre 3. Verset 9 et 10. Oui, je dis, hein. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Allons-y dans le livre de Jacques. Allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 3. Parce que c'est 1 Pierre 3, Jacques 3. Allons-y, on va lire que je vais vous montrer quelque chose. Oui, Jacques 3. Vous y êtes? Oui. Jacques chapitre 3. Verset 6. Verset 6. Et 7. La langue aussi est un feu. C'est le point de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la cour de la vie, étant elle-même enflammée par la gielle. Oui. Toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut mépriser, réprimer, autant pour moi. Elle est pleine d'un venin mortel. Mais vous voyez la présentation du tableau de la langue telle que donnée par l'apôtre Jacques. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre lui dit? Verset 10 encore du chapitre 3. Verset 10 du chapitre 3, il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Comment faire ça quand on a déjà déclaré que c'est un mal qu'on ne peut réprimer? Personne ne peut la dompter. Comment? Vous voyez que quand vous prenez la Bible comme ça, si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, vous allez voir que ça n'est enseigné des deux enseignements contradictoires. Pourtant, il s'adresse à deux êtres différents là-bas. Il parle de deux êtres différents. Vous voyez? De l'autre côté, il dit que par cette même langue-là, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et nous maudissons les gens. Ici, au verset 8 du chapitre 3, il ne rendait point le mal pour mal ou injure pour injure. Donc ça n'est pas sorti. Il dit bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Là-bas, il parle des hommes qui ont dompté tout genre de navires et ainsi de suite. Mais ça, aucun homme ne peut le dompter. Vous voyez cela? Et l'apôtre Paul dit au milieu là que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Alors qu'est-ce qui en s'est passé là, frère? Qu'est-ce que vous voyez? Ah, bon, ce que je vois, hein, c'est parlant de la langue qui ne peut être domptée par l'homme, moi je dis, je pense que c'est la langue, ce sont les fils du malin. Donc la langue ne peut pas être domptée, alors que les fils de la promesse, à nous coule la vie. Psaume 45. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que la soeur Laetitia est là, oui. C'est bien dit, mais à la langue, aucun homme ne peut la dompter. Oui, donc là le pouvoir. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Voilà. Donc c'est un homme, ça veut dire c'est la position d'un homme, mais par Christ. Hein? Et puis, nous savons que Christ vient transformer notre vie, c'est ça. C'est ça, c'est qui vraiment fait la différence. Donc vous voyez effectivement, ça, tant qu'on n'attire pas l'attention, ça, vous allez voir effectivement que la langue, on ne peut pas maîtriser la langue, donc par conséquent. Jamais. Dans cette position-là, c'est ce que Jacques fait savoir. Voilà. Un homme, en tant qu'un homme comme ça, ne pourra pas se vanter de dire que je veux dompter ma langue, je vais la maîtriser, je vais la réprimander. Pas donc, du tout. Donc la Bible déclare. Mais en Jésus-Christ. Oui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc tu vois effectivement. L'apôtre Paul vient dire que ici à Christ. Oui. Mm-hmm. Vas-y, parle. Allez, frère. Vas-y. Donc, l'apôtre Paul vient ici dire en Christ, par notre esprit, nous devons comment la faire. C'est ce que l'apôtre Paul venait dire. Donc, c'est par le biais du Seigneur Jésus, par la grâce que le Seigneur nous offre, que nous arrivons à dompter la langue, à maîtriser la langue. La langue n'est que. La remède de la langue, ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a ni Mohamed, ni Bouddha, ni Karishika, ou bien ni quoi que ce soit, ne peut dompter cette langue que nous avons en tant qu'un homme naturel. Depuis que les choses ont été déchues dans le jardin d'Éden, de ce temps, la langue, son état, c'est comme ça seulement. Mais il faut vraiment que Jésus-Christ puisse vraiment faire quelque chose de miracle. Alors maintenant, dans Ephésiens chapitre 4, verset 29, la Bible déclare qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu. Quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, pas vrai? Ouais, ok, c'est justement. Donc, et vous voyez effectivement que si on n'a pas. Oui, quelqu'un veut parler là? Oui, je voulais juste te dire, si je comprends très bien, notre langue est soumise aux esprits en fait. En tout cas, la Bible a dit dans Jean chapitre 3 que les gens qui vont en enfer, leur enfer commence sur la langue. Donc, pour savoir quelqu'un qui va aller en enfer, vous pouvez tester sa langue. C'est ce qu'on a dit là dans Jacques chapitre 3. Donc, lorsqu'on prend le thermomètre, on met sur sa langue, ça chauffe grave. Vous avez lu ça, frère? Tout à fait. Et psaume 45, après le psaume 45, on va lire le psaume 110. J'espère que la sœur Laetitia est là. Psaume 45. Oui, le verset 1, 2 et 3. Au chef des chantres, je lis, hein, au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme de la plume, comme la plume d'un habile écrivain. Je continue. Oui, le verset 3 seulement maintenant. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes plaies. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Voilà, c'est bon. On parle de quoi ici? Amen. Amen. C'est ça le verset. Vous m'entendez? De la langue. On parle de la langue. Regardez bien. Personne ne veut me répondre ici. La phrase a été, vous êtes fatigué, ça fait 6h20 minutes qu'on travaille. Ça va, merci toi. C'est pas ça qu'on parle, frère. Je pose la question, de quoi est-ce qu'on parle ici? De la langue, frère. Où est-ce que la langue on a parlé là-bas? On parle de l'œuvre de la langue, de ce qui doit sortir dans nos bouches. Voilà. On s'adresse à qui? Au roi. Quel roi? Au roi. Donc, vous voyez effectivement que ça, ici, ok, je crois qu'il faut que j'essaie d'arrêter le souci comme ça là. Dans ce psaume-ci, il s'agit de l'enlèvement de l'église dont on a parlé, on a de chanter des cantiques concernant l'enlèvement de l'église. Et on parle d'elle. En tout cas, continue la lecture. Vous me regardez comme ça, continue la lecture, j'arrive. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilles exploits. Tes flèches sont aiguës. Peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'écu, aime la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a appoint d'une huile de joie par privilège sur les colères. L'ami, l'aloé et la casse parfume, tout est dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Tes filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Écoute, ma fille. Que là la connexion est encore interrompue cette fois-ci pour de bon.